Assemblage Reiki est présenté en collaboration avec l'AGE UQTR. Le plan d'aujourd'hui à Assemblage Reiki. Tania fera de son mieux pour nous divertir pendant la semaine de relâche dans Tania et Scona Antigenia et on apprendra comment mieux vivre dans les instructions d'assemblage. Assemblage Reiki commence tout de suite. Bienvenue à Assemblage Reiki en mardi 1er mars 2016 en direct des studios de CIFO à Trois-Rivières à 56 jours de la fin de l'année scolaire 2015-2016. Je m'appelle Mathieu Plante. Et moi, Tania Baudin. C'est-à-dire, ça faisait un petit bout qu'on avait pas entendu l'intro avec nous qui chante. On c'est s'ennuyait jamais. Là, non, ça, en effet. Il fait soleil aujourd'hui. Il fait très beau aujourd'hui. On est bien. Oui. C'est le bulletin météo de la journée. Il fait frisquet, mais il fait très beau. Ouais, mais tu sais, à un moment donné, on arrête de se plaindre, s'il vous plaît. Donc aujourd'hui à l'émission, un petit peu comme hier, en fait, on perd nos chroniqueurs en cette semaine de relâche, mais ne vous en faites pas, demain, mercredi, ainsi que jeudi, nos chroniqueurs vont tous être présents. Donc c'est dans ce début de semaine que ça lague un peu, donc on n'aura pas Jimmy Thibodeau avec sa chronique sur l'actualité passée sous le radar, on n'aura pas non plus Gabriel Béaud de la Luitre. Donc on va compléter ça avec nos chroniques à nous. Il y a ta chronique à toi, Tania Esgolentini, qu'est-ce qui s'en vient? On va parler de quelque chose qui arrive très très fréquemment en 2016 dans les relations interpersonnelles. Oh boy! Eh boy! Ça me fait peur, tout ça. On va aussi avoir à la chronique les instructions d'assemblage pour essayer d'apprendre à mieux vivre un conseil à la fois. Oui. Et on va débuter dans quelques minutes avec le bloc pub pour savoir ce qui se passe du côté du marketing. Mais avant ça, une pièce, encore une fois, appropriée. Elle est à tous les jours cet hiver, mais on l'aime beaucoup, du Husky. Voici Dans la neige. Ça, c'est fou. Thank you. que c'est ma main sur ton chaud, mon amour. La pièce Dans la neige à Assemblage requis. Disparu au printemps. Ah, vous savez ce qui ne disparaîtra jamais de nos vies? Ah, c'est la publicité! Ouh! C'est le bloc pub. Venez au bon marché! Oui, papa! Tout le monde aime! Je préfère! Le good! C'est le bloc pub, la chronique dans laquelle on parle de marketing, d'idées qui font vendre les choses. Commandons quelque chose. Je dis que j'avais soif pour un jus d'orange. Ah oui, chop chop, le service de la chasse à distance. Oui. Donc, tu as sûrement entendu parler des Canadiens de Montréal. À quelques reprises ces derniers temps, oui. C'est une équipe de sportsball. Ouais, le bon. Sport avec... Oui. Ouais. Donc, ils ont échoué sur Twitter. Un epic fail d'assez grande proportion, en fait. Afin de remercier ses abonnés Twitter pour leur soutien, le CH a fait mettre en place une campagne qui visait à envoyer des messages automatiques aux abonnés. Eh bien, il y a eu un petit manque de filtrage qui a provoqué un certain scandale. Ah oh non. On voulait célébrer le titre de numéro 3 des équipes de la Ligue nationale de hockey à franchir le million d'abonnés sur Twitter. Chaud de gens. Donc, Flowix, une compagnie basée en Argentine et spécialisée dans le développement de stratégies sur les réseaux sociaux, a ainsi été mandatée pour répondre à cette demande. La programmation d'un système de filtre ayant été oubliée, des tweets remerciant des internautes dont les identités étaient injurieuses sont apparus sur la page de l'équipe. Des surnoms comme White Power, Death to Niggers, Fire Terrien, ou I Love ISIS se sont vus recevoir la photo d'un chandail de l'équipe avec leur nom inscrit dessus ou un message de remerciement d'un joueur. Ces tweets sont évidemment apparus sur le fil public de l'équipe de hockey. L'entreprise Flowix a reconnu son erreur et a présenté ses excuses au CH ainsi qu'aux supporters de l'équipe. Depuis, les tweets ont été supprimés ainsi que la plupart des comptes Twitter associés à des propos injurieux. C'est pas fort. Non, en effet. C'était un petit peu évident que ça allait arriver si tu laisses les gens sans filtre. C'est sûr que ça aide pas, hein? Tu sais, la base. Oui, quand même. Maintenant, on parle de gymnastique avec la compagnie Under Armour. L'agence new-yorkaise Droga 5 met en avant l'équipe nationale féminine de gymnastique américaine et le footballeur néerlandais Memphis Depay dans une campagne internationale pour Under Armour, majoritairement axée sur les réseaux sociaux. Après plusieurs initiatives pour la marque de vêtements de sport, dont la dernière campagne qui introduisait le slogan « Rule Yourself », Droga 5 reprend les codes de l'entraînement sportif en utilisant ce même slogan et mettant en avant... dans deux vidéos, les efforts physiques déployés par les gymnastes américaines et le joueur de soccer durant leur séance d'entraînement. Au slogan initial s'ajoute le message « It's what you do in the dark that puts you in the light ». C'est ce que tu fais dans la noirceur qui te met sous les projecteurs, si on veut. voulant ainsi insister sur l'importance des efforts et des sacrifices quotidiens réalisés par les athlètes pour atteindre leurs objectifs. Une nouvelle campagne qui marque aussi le début d'une nouvelle position médiatique pour Under Armour. La marque investira maintenant 50% de son budget en médias télé et 50% en numérique. Stratégie que la marque a déjà expérimentée pour faire parler d'elle en engageant des ambassadeurs dans le milieu du sport tels que Stephen Curry, le joueur de basketball américain, aux 4,42 millions de suiveurs sur Twitter. La marque souhaite également que les internautes prennent part au mouvement et puissent s'exprimer et décrire sur les réseaux sociaux leur propre rituel d'entraînement avec le hashtag RuleYourself. Donc, j'ai envie d'écouter la première publicité. Ouais. Tiens, pourquoi pas Under Armour RuleYourself. On est dans un gym, les filles sont en train de porter un tapis dans les airs. On les voit faire des mouvements de dos courbé. On lance le tapis par terre. La fille fait des acrobaties sur un petit poney. Les filles marchent sur les mains un petit peu partout. On est dans un salon de beauté. En même temps, les filles sont en train de se faire une manicure. Donc, on les voit se déambuler en autobus avec leurs sacs, leurs équipements, faire des entraînements, monter des cordes dans les airs. Tout plein de culbutes. Et là, on est aplati par terre. Elle va faire une culbute. Et ça continue longtemps. On va aller jusqu'à la fin, OK? Bloop. Donc, on les voit se présenter leur compétition. Et ils sont finalement, on apprend qu'ils étaient dans une grotte, dans une montagne. Et c'est ce qu'on fait à la noirceur qui nous met sous les projecteurs ou à la lumière. Soyez maître de vous-même. Je sais pas si c'est une grotte ou si c'est parce que ça démontre qu'en fait, ils commencent à s'entraîner super tôt. Dans une montagne? Ouais, peut-être. Dans un gym? Le gym, dans ouais. Dans une montagne? Je pense pas, non. Je vois pas vraiment la grotte. Tu vois pas la grotte? Non. T'as peut-être ta luminosité d'écran un petit peu trop peut-être. Faible. Mais c'est dans une montagne, genre. Ah, okay. Dans un gym, un trou dans une montagne. Ah, ce qui okay. est peu véridique, je trouve, dans la vraie vie. Ça se peut qu'il y ait un vrai gym dans une montagne. Mais oui. Je sais pas. Maintenant, sous le soleil de février à Montréal, le Club Med et 360 l'agence ont déployé à Montréal un village éphémère mais permettant aux passants de s'évader quelques minutes sous le soleil dans les rues du centre-ville. L'initiative déployée à plusieurs endroits dans la ville permettait aux visiteurs de monter à bord d'un grand véhicule vitré au décor de plage où sont offerts fruits frais et boissons. Gentils organisateurs du jour, donc des géos, qu'on appelle dans ce cas-ci inclus. En plus d'un concours et d'un décor pour prendre des photos au soleil, les passants se font distribuer des chauffe-mains aux couleurs du Club Med. En outre, est proposée une expérience de réalité virtuelle pour visiter le village Club Med de Punta Cana en République dominicaine et son aire de jeu créative par Cirque du Soleil. Donc, c'est ça, on est dans un grand autobus qui est installé comme une pièce avec fenêtres partout et on a du sable par terre. On a tout ce qu'il y aurait dans une plage, sur une plage avec des parasols, des collations, alcool, j'imagine, un paquet de trucs comme ça. On n'a pas de vidéo. Est-ce qu'on a une vidéo? Oui, on a une vidéo. Oui, on a une vidéo. Page. Ah, ça me fait plaisir d'entendre ça. L'évasion à la Club Med, l'expérience inédite d'un village éphémère à Montréal en plein cœur de l'hiver. Donc, on était à Montréal le 11 février. Les gens, évidemment, on voit les gens passer avec leurs foulards, leurs tuques, le grand vent et la neige partout, les pelles qui se font aller sur le trottoir, les taxis qui ont de la misère à avancer. Et là, on commence à installer ça. On met les petits fanions du Club Med. On enlève la buée dans les vitres et là quelqu'un entre en sandales à l'intérieur, on enlève notre manteau, hein? Les bottes sur le bord de l'autobus et là les géos sont sur le bord de la rue et invitent les gens à monter à l'intérieur de l'autobus en leur donnant un petit carton là, de rabais du Club Med comme on a dit tantôt pour participer à un concours, quelque chose comme ça. Donc les gens sont bien intéressés, évidemment. Et là, moi, j'avance comme toujours au dernier tiers. Et on voit les gens avec leur petit cadre, là, tu sais, classique, où tu te mets ça autour de la face. Puis là, tu te fais prendre en photo à l'intérieur de l'autobus. Ah, t'as manqué l'espèce de grosse lunette, en fait, qui montre le Club Med. La réalité virtuelle, exactement. Oui. Tout à fait. Ça nous fait... Ah, je me sentais bien à chaud. Le Club Med ce matin, quand il fait froid comme ça, ça donne le goût d'y aller. Bah, Club Med, pas le goût d'y aller. Qui n'a pas le goût d'aller dans le sud à ce temps-ci de l'année, honnêtement? Là. Ben, c'est une bonne regardez campagne. À l'extérieur ce matin de faire comme moins 22. Au moins le soleil est là aujourd'hui. Oui. Pas se plaindre. Mastercard lance un système de reconnaissance faciale qui permettra à ses usagers de payer en se prenant en photo. Cette initiative vise à améliorer les solutions de paiement mobile offertes par l'entreprise qui compte également le paiement tactile. Après une période de test aux États-Unis et aux Pays-Bas, le service de Selfie Pay ou paiement par Ego Portrait sera donc rendu disponible dans 14 pays dont le Canada et ce dès cet été. Les clients de Mastercard dotés d'un téléphone intelligent ou d'une tablette n'auront qu'à télécharger une application qui scannera leur visage et validera le paiement à partir de cette photo. Afin de valider qu'une personne réelle se trouve bien devant l'objectif, celle-ci devra cligner des yeux. Ce qu'on peut pas faire si on n'est pas une vraie personne. Hein? Mastercard insiste sur le fait que les paiements biométriques sont plus sécuritaires que ceux ayant recours à des mots de passe. Donc, vous allez pouvoir bientôt vous prendre en photo pour faire un paiement Mastercard. Un concepteur et l'acteur d'Alma, une agence de publicité américaine, a réagi au tweet de Kanye West. On en parle rarement à l'émission et on fait attention à qui demande de l'aide pour rembourser ses dettes en créant un site internet qui compare la situation financière du rappeur à celle du Kenya. Le rappeur américain a récemment annoncé dans un tweet qu'il était endetté de plus de 53 millions de dollars. Vous avez tous entendu parler de ça. Il a demandé à Mark Zuckerberg de Facebook de lui envoyer de l'argent. Bref, en comparant la situation de ce monsieur à celle du pays de l'Afrique de l'Est, Gabriel Ferrer a créé « Help Kenya Not Kanye ». La plateforme permet à l'internaute de choisir entre donner pour des causes sociales et humanitaires au Kenya, telles qu'acheter de l'eau potable ou donner la même somme pour acheter l'album du rappeur. Hein? Un des deux. En fournissant des données précises de ce qu'il est possible d'acheter pour aider chacune des parties, le site met en perspective l'irrationalité des propos du rappeur, comme acheter un chandail de la dernière collection de vêtements de Kanye à 700$ ou encore nourrir 200 enfants avec la même somme. Bien qu'il soit fan du rapper, Gabriel Ferrer pense que Kanye West va trop loin et qu'il devient difficile à défendre en avançant de pareils propos. Il espère ainsi agir pour la bonne cause et ramener le rappeur à la raison. Ce qui arrivera pas, c'est un gars complètement irraisonnable. Vous le savez, vous n'avez pas besoin que je vous en parle ben plus longtemps parce que c'est pas notre job. Ouais, mettons. Mais c'est une bonne idée, par exemple, hein, parce que même les graphiques qu'il y a sur le site internet, là, c'est super bien fait. Comme? Raconte-nous ça. Ben, c'est bon pour expliquer du visuel. Juste lorsqu'on dit « aider le Kenya, pas Kenny », c'est vraiment comme la coupure du Kenya, ouais, du pays, versus le visage de Kanye West. Avec un supérieur A. Oui, exact. Puis ça, c'est le supérieur A qui revient toujours, j'imagine, sur le site internet. Exact. Parce qu'ici, on a juste deux photos. C'est ça, là, t'as une panoplie de livres, j'imagine, éducatifs, avec le petit symbole, encore une fois, qui est plus grand que... Et là, t'as les bottes de Kanye West. Et voilà. Ensuite, surprendre les auditeurs pour la bonne cause. Dans une nouvelle campagne radio, l'organisme Anorexie et Boulimie Québec, ANEB, surprend l'auditeur pour le sensibiliser à la cause des troubles alimentaires. Signé par Cossette, l'offensive compare le poids d'une personne atteinte de troubles alimentaires à une fréquence radio. Afin de surprendre l'auditeur, le message commence avec le jingle de la station, qu'on va, se permettre d'écouter dans quelques instants, avant d'y ajouter l'intervention d'une femme qui parle de son poids. Cette opération a pour but de susciter l'attention envers les troubles alimentaires, des maladies mentales complexes et souvent mal comprises. Elle vise aussi à inviter les auditeurs à chercher de l'aide. Donc, la publicité était en onde à C'est quoi? Week-end à Québec, rythme FM à Sherbrooke, The Beat à Montréal et Énergie à Drummondville. Donc, on va écouter tout sauf Énergie. Donc, voici celle de Week-end à Québec pour ANEB. Weekend! Weekend 91.9. Mon style de vie. 91.9, moi, c'est mon poids. C'est ben trop. Pour de l'aide, Anorexie et Boulimie Québec. Avoue que ça fonctionne pas mal bien. C'est vrai? Ouais, plutôt. Est-ce qu'on essaie, c'est quoi? On pourrait, oui. 96.9. Mais 96.9, moi, c'est mon poids. C'est ben trop. Pour de l'aide, Anorexie et Boulimie Québec. Ah, oh, que c'est méga sûr, tellement trop compressé, cette histoire. Blablabla. Mais c'est le fun parce que les stations de radio utilisent depuis longtemps plus du tout leur 96.9. Ils m'ont dit 96.9. Donc, on a fait une identification de station spéciale avec le point dedans, même si en français c'est une virgule, pour comprendre le poids de la personne. Je trouvais ça quand même assez intelligent. Ensuite, attaquer dans Word afin de souligner le souligner le 81e congrès international du Pen Club à Québec. Oui, c'est pas un club de pénis. Brad a conçu une campagne d'affichage déployée durant l'événement, faisant suite à celui de Bishkek au Kyrgyzstan en 2014 et à celui de Reykjavik en 2013. Le congrès de Québec a réuni plus de 250 congressistes de 70 pays. Présenté comme présentant des attaques, à la liberté d'expression perpétrées directement dans le logiciel Word, comme si l'outil des écrivains était lui-même devenu un champ de bataille, les visuels démontrent le mandat de l'organisme. À la fin du congrès, une vidéo a aussi été réalisée pour faire comprendre l'importance de la liberté d'expression à une population qui la considère comme un acquis. L'idée consistait à momentanément l'en priver. Encore une fois, on va regarder tous ensemble à la radio ce petit montage. Voilà. On voit les gens dans la rue avec, Pen sur leur petit veston. Donc, les gens doivent signer une pétition. En fait, se font demander de signer la pétition. Merci. Avez-vous 2 secondes pour la liberté d'expression? Bon, on comprend qu'on signe des affaires. Et là, quand les gens commencent à signer, la personne barre, le bénévole va barrer les signatures complètement, va jeter le crayon, le casser quasiment, chiffonner la feuille et merci! OK, au revoir! Bon, là, ça continue pendant un bout. Évidemment, comme toujours, j'avance à la fin puis je vais manquer quelque chose, hein, comme je fais toujours. Donc, ça roule un petit peu trop longtemps pendant une minute, cette histoire-là. que les gens se demandent qu'est-ce qui se passe. C'est surtout que dans la vidéo, on voit l'expression des gens, là. C'est ça. Et c'est dit, aidez-nous à agir partout où la liberté d'expression est attaquée. Québec.org. Faut que tu sois sûr de ta chatte, hein? Il y a un gars qui faisait comme 4 fois la grandeur de la fille qui l'a fait signer sa feuille. C'est ça. Je sais pas. J'espère au moins que les gens sont pas fâchés pour leur gaspillage de 5 secondes de signature. J'espère. Hein? Surtout que les gens signent puis ils savent même pas pourquoi ils signent d'habitude. Mais ils disaient en tout cas. Oui, ils disaient, mais c'était pas. Déjà, des fois, les gens parlent même pas la même langue que toi. Ouais, non, ça c'est vrai. Quand tu fais signer quelque chose. Ensuite, Brad lance pour SOS violence conjugale une campagne de sensibilisation avec la comédienne Ingrid Falaise. 4 pubs télé mettant en perspective la violence qui peut s'installer dans un couple. En imaginant plusieurs combinaisons de mots, elles évoquent les dérives qu'une histoire d'amour peut engendrer. Par cette campagne, l'annonceur désire faire connaître la source du problème, en plus d'inviter les personnes concernées à faire appel à ses services. Donc, aujourd'hui, beaucoup de vidéos. Écoutons SOS Violence à l'instant. C'est un 30 secondes, c'est le plus facile. Aimer au répressif, voilà. Je t'aime. Donc, on voit un gars ici, sur un fond noir. Je t'aime trop fort. Je t'aime quand tu te la fermes. Je t'aime quand tu fais ce que je te dis. Je t'aime pis t'es rien qu'à moi. Je t'aime pis t'es rien sans moi. Je t'aime pis tu partiras pas d'ici. Si l'amour ressemble à ça dans votre couple, appelez. C'est anonyme, confidentiel et sécuritaire. SOS Violence Conjugale, 1-800-363-9010, 7 jours sur 7. À la fin, on voit la fille sur le même fond noir, alors que dans l'autre, en dessous, je crois que ça commence... C'est elle, je crois. Ouais, caresser au dominatif. Je te caresse. Non, c'est encore le gars. Ah non, c'est un homme. Je te caresse où je veux. Je te caresse quand je veux. Je te caresse même si tu veux pas. Je te caresse de toutes mes forces. Je te caresse même si ça te fait mal. Je te caresse. Puis t'es mieux d'aimer ça. Si l'amour ressemble à ça dans votre couple, appelez. C'est anonyme, confidentiel et sécuritaire. L'acteur était meilleur dans la première pub, mais quand même. Oui, ben, on le connaissait plus. Ah, je sais pas, je le connais pas, je trouvais qu'il était meilleur. Ben, bref. C'est un peu malaisant, écoutez, mais en même temps, faut que ça se dise, ces affaires-là. Ça. Ben, pas choix, hein. C'est une réalité et voilà. De la vie. Maintenant, une association d'idées aussi malheureuse que circonstancielle, nous dit-on. Certains y ont vu une allusion à la crise syrienne. La campagne lancée par le spa montréalais Botta Botta a suscité de vives réactions sur les réseaux sociaux. L'annonceur et l'agence ont réagi afin de rectifier le tir. Cette campagne, signée par l'agence Rinaldi, invitait les consommateurs à sauver des vies en procurant aux gens de leur entourage une carte cadeau du Botta Botta qui contribuerait à les libérer du stress. Les pièces montraient des clients boués à la main. Regardez le large, le Botta Botta qui est situé sur un bateau à quai dans le Vieux-Montréal. Mm-hmm. Dès qu'elle a été publiée, quelques internautes ont signalé leur malaise et même leur désapprobation face à cette initiative, surtout dans le contexte politique et social actuel. Certains ont dénoncé l'analogie douteuse entre les migrants qui périssent noyés en fuyant leur pays dans les bateaux de fortune. D'autres ont souligné le mauvais goût et la maladresse de l'annonceur et de l'agence. Donc c'est littéralement ça, il n'y a rien de plus à dire. Là. Ça dit au milieu de l'affiche, « Sauvez des vies, libérez vos proches du stress sur une bouée. Pour les fêtes, offrez-leur les cartes cadeaux. » Et chaque côté, t'as une fille avec un manteau de fourrure avec une bouée à l'épaule et l'autre un gars bien habillé, habillé de designer avec aussi la bouée autour de l'épaule. OK, mais de tout comparer à toujours. Tout ce qui est arrivé avec les Syriens, c'est un petit peu poussé aussi. Parce qu'on là. Peut rien faire de nos jours sans offusquer une grosse partie de monde. Exact. Et pour vrai, c'est plate, c'est rendu c'est comme ça. C'est probablement que l'idée, elle avait été décidée bien avant ce qui est arrivé, sûrement. Malheureusement. Eux, ils ont certainement jamais vu de lien avec ça, mais évidemment, tout peut faire un lien avec tout dans oui, la vie. Oui, c'est sûr. Et surtout donné, si tu mets ça sur les médias sociaux. Et voilà, faut arrêter de capoter, puis on est frileux pas mal. Ouais. Ensuite, on a... ça, c'est un peu spécial, c'est « We all need the D ». Est-ce que tu sais ce que ça veut dire, « the D » ? Oui, en temps normal, oui. En temps normal, ça veut dire « the dick ». Exactement. Hein? Comme un pipi. Hein? Donc, on peut aussi appeler ça de la vitamine D. Hein? Aha. Donc, au Canada, les services du Yukon Health and Human Services voulaient partager l'information qu'on avait besoin de vitamine D en disant dans leur grand titre sur leur publicité « How do you do the D? » ou encore « Need a little help with your daily D? » Avez-vous besoin d'aide avec votre pipi quotidien? Donc, c'est ça, le D en slang qui a fait un petit peu parler partout sur les réseaux sociaux. Et les gens postant des messages comme « Oh, Yukon, quelle bête bizarre que tu es! »« We all need the D. » Mais je trouve ça quand même sympathique. Ensuite, des publicités pour l'allaitement. Ah? Qui produisent des autocollants pour votre poitrine. OK. Ouais, les poitrines et le supermarché vont ensemble depuis toujours. Hein, on sait, les poitrines de poulet, etc. Donc, on a vu il y a quelques temps des melons dans une épicerie oui. qui étaient déguisés en sein pour une campagne de cancer du sein. Et bien maintenant, on a le contraire, c'est des autocollants, un peu comme des fruits et légumes qu'on attache sur les seins pour une campagne pro allaitement. C'était à Boone Oakley à Charlotte, c'est une agence publicitaire, Boone Oakley à Charlotte en Caroline du Nord, qui s'occupe de ces autocollants-là, des posters, des affiches sur les murs. Donc les autocollants ont une phrase qui dit 100% naturel et the best nutrition for your baby is you. Donc la meilleure nutrition pour votre bébé c'est vous. En disponible en trois couleurs avec trois différents messages disant que l'allaitement réduit les risques d'obésité de votre enfant de 24%, du SIDS, j'ai aucune idée ce que c'est, par 36% et de l'asthme de 26%. Donc on peut voir les affiches sur assemblagerequis.com. Évidemment peut-être pas aller voir au bureau, mais on voit une poitrine avec le mamelon et tout là, vraiment ce qui serait jamais publié sur Facebook comme on dit. À temps normal. Avec le petit autocollant breastfeeding. Et il y a même une petite, un petit onglet sur l'autocollant pour pouvoir l'enlever facilement. Oui. Pour pouvoir commencer à allaiter. Donc, on a un sein couleur un petit peu plus... je vais dire, mettons, moyennement foncé. Oui. Très, très pâle. Mm-hmm. Et encore plus pâle. Donc, je trouve qu'il n'y a pas une grande variété dans les couleurs de poitrine. Non. Mais bon, ça arrive une fois de temps en temps comme ça. Il y a environ... il y avait aussi, tiens, un mur de poitrine que l'agence a couvert avec 100 photos. Ah, oh, ouais. Environ. Et on a dû enlever le mur au complet pour des visites de clients, apparemment, pendant la période de développement. C'est un projet à l'interne. Il n'y avait pas de clients qui participaient à cette... publicité-là, c'est seulement pour montrer qu'ils pouvaient faire ça. C'est quand même un petit peu, pas pro bono, parce que pro bono, ça arrêtait de donner ce service-là. Ouais. Ce qui aurait été encore mieux, probablement, de fournir pro bono contre pas d'argent à quelqu'un ou à quelque chose. Un jour, peut-être. L'idée est bonne. Ensuite, tiens, un petit bloc thématique sexuel qui va continuer un peu avec des condoms déballés pour épeler les grandes lignes sur une publicité pour parler de d'infections transmises sexuellement, les ITS. Hein. Donc, en septembre, Get Checked Omaha a créé une publicité télé avec des zombies par rapport au taux d'ITS dans la place. Donc à Douglas County au Nebraska, les taux d'infection sont de 30 à 50% plus élevés que la moyenne nationale. Ouch! Donc GCO a créé une série de publicités extérieures et de publicités pour les réseaux sociaux avec des grands titres épelés en condoms développés, déballés. Donc une collaboration entre Women's Fund of Omaha et Serve Media pour afficher les mots « love », Passion et Share, suivi de petites lignes, donc un plus petit titre à côté, un slogan si on veut. Donc les publicités redirigent vers getcheckedomaha.com qui dit où on peut trouver des condoms gratuits et arrêter de se donner de mauvaises maladies comme celle-là. Donc le mot passion avec des condoms développés, ça dit Nobody has ever felt it for gonorrhea. Donc personne n'a jamais eu de passion pour la gonorrhée ou encore partager, et là ça dit en dessous votre amour et non pas votre infection clamidia. C'est une bonne idée. On se souvient, il y a quelques temps, ici à l'université, c'était la semaine de prévention, justement, des ITS. Puis les étudiants, je crois que c'était des étudiants, ouais, et des étudiants en infirmerie. Exactement. Se promenaient en donnant des câlins, mais aussi en donnant des préservatifs. Donc, ils vous remettaient une espèce de petite pochette là, avec... un morceau de chocolat. Avec un morceau de chocolat. Que j'ai donné à l'Istam. Une fausse sucette. Ouais. Puis des préservatifs. Exactement. On reste dans les trucs sexy un peu. C'est en fait, c'est une publicité pour... Ouais, je sais. C'est une publicité minimaliste pour l'année du singe. Ouais. Ouais. Qui ressemble un petit peu à autre chose, je te dirais. Ouais. Moi, si on m'avait pas dit que c'était un singe, j'aurais jamais su. Mais donc, je t'avoue que... C'est le designer de San Francisco, Leo Zhang, qui a rapidement fait un poster pour l'année du singe dans le zodiaque chinois qui a débuté récemment. Et donc, on va la décrire un petit peu. L'affiche est sur fond gris foncé. OK? On voit une courbe blanche qui ressemble un petit peu à une paire de fesses, on va se le dire. Exactement. Et le singe qui est par-dessus, étant donné qu'il est minimaliste, on voit, bon, ses deux oreilles sur les côtés, sa bouche par en bas, ses deux gros yeux, mais comme il n'y a pas d'yeux, il n'y a pas de trou dans les oreilles, il n'y a pas de sourcils, il n'y a rien, ça ressemble à un pipi qui s'insère dans un fessier. Exactement. Et 2016, l'année du singe. C'est très malaisant, en fait. Je peux même pas croire que quelqu'un lui a pas dit ça avant. Mais yo, dude, bro! Il y a quelqu'un qui l'a posté sur Twitter en disant « On est seulement en février, est-ce qu'on aurait déjà découvert le design le plus fail de l'année? » Tellement, ça va faire les palmarès de l'année, c'est certain. Il dit qu'il est un petit peu surpris par la réponse que ça a eu sur les réseaux sociaux, mais en même temps, quand il est « Duh! Duh! » Tu sais, lui, peut-être qu'il voit... Non, je peux même non. pas te dire, parce que honnêtement, le blanc ici représente quoi si c'est pas... Exact. Allez voir sur assemblagerequis.com, j'imagine que c'est peut-être la poitrine du singe. Dites-nous ce que c'est supposé être sur Facebook, juste pour le fun. Puis, Il y aurait une grosse poitrine comparée au reste de sa tête. Est-ce que tu penses que le gars voulait créer le buzz? Voulait peut-être. Qu'on en parle? Peut-être. Tu connais le Netflix and Chill? Ben oui, c'est... Ben... Oui. Oui, bon, ben c'est ça. Donc, c'est disponible à New York pour seulement $400 par soir. Attends, quoi? une chambre pour aller faire du Netflix and Chill. Ah, oh, ouais! C'est sur Airbnb, donc la Netflix and Chill Airbnb Room, créée comme projet artistique par Art44 et Tom Gall. Ça coûte environ le même prix qu'une chambre d'hôtel chez Sofitel si on book à la dernière minute, donc en tant que tel, c'est pas tellement plus cher que la normale. Donc on amène le meme Netflix and Chill dans la vraie vie. IRL, comme on dit, in real life, de la meilleure façon possible. Donc, l'appartement vient avec un lit, avec des couvertures Netflix, avec le logo dessus. Et un chill mini-bar à portée de main. Donc, on peut vraiment juste s'étirer la main et avoir ça de aide l'alcool. Tout le temps. Et voilà, voilà. Et puis, bien sûr, il y a le service Netflix lui-même avec un projecteur HD connecté à une Apple TV pour pouvoir regarder Netflix sur le grand mur blanc devant toi. Ça, c'est bien. Hey, c'est pas fantastique, ça. Vous pouvez aller voir les photos sur assemblagerequipe.com. Vous avez même une belle vue de la ville là, par la fenêtre. C'est incroyable. Mais oui, puis il y a quelqu'un qui dit, mais tu sais, qui s'en soucie? Voilà, la vue extérieure n'est pas la chose la plus importante. Non, en effet. Ensuite, ça, c'est vraiment intéressant. C'est MTV qui hijack, donc passe par-dessus les publicités pour essayer de vous parler des maladies, pas des maladies, des viols, etc. Donc, ça ressemble à des publicités normales, mais finalement, c'est un petit peu... Comment t'appelles ça? Détourné. J'ai un vocabulaire de merde aujourd'hui. Donc, on va écouter cette publicité invisible de la part de MTV, un hijack de leur pub. This is a commercial about rape culture. Ceci est une publicité sur la culture du viol, ce qui veut dire que vous regardez déjà votre téléphone, mais ignorer la culture du viol comme vous ignorez les publicités ne le fait pas s'en aller. Vous voyez? Nous sommes toujours là. Donc, en arrière-plan, il y a des gens qui dansent et j'imagine que ça devait être la fin d'une publicité en tant que telle qui jouait sur MTV. Évidemment, je ne les connais pas, les publicités, mais ça dit que tu peux pas ne pas parler de la culture du viol. Ça, fait, ça disparaîtra pas si tu n'en parles pas. Hein? En effet. Ça disparaîtra pas si tu n'en parles pas. Exactement, c'est à peu près ça. Bah oui, c'est ça. Bah oui, c'est ça. Donc, ça ressemble à des publicités normales. Ça s'appelle Invisible Ads, qui parle donc de l'inaction de certains collèges, universités, après les accusations de viol sur le campus. Évidemment, on sait, en 2016, on blâme toujours la victime. C'est toujours comme ça que ça se passe après avoir parlé de viol. Donc, Invisible Ads pour essayer de ramener ça du bon côté un peu. Ça se passe sur les sites web de MTV et sur des sites comme Bustle et Perez Hilton. Ça va être aussi affiché dans des bars de New York et on passe la publicité à la télé. Donc, je sais pas laquelle, ça doit pas être celle qu'on a montrée tantôt parce que ça avait l'air d'être juste la fin d'une pub. Et voilà, je pense qu'il en reste encore du sexe. J'aimerais au moins finir le bloc de sexe. OK, donc une publicité de condom, maintenant, qui est préhistorique avec... on essaie de montrer l'époque des dinosaures et de leur sexe. C'est un peu troublant. Un peu bizarre, donc ça fait « Dinosaur sex, dinosaur sex, you make me feel like a Tyrannosaurus Rex ». Donc c'est un band du Royaume-Uni, un band oublié, Family Fodder, qui chantait ces lignes-là, ces répliques-là en 1981. Et maintenant, ben, ça revient avec la marque de condom Okamoto. Donc préparez-vous à voir des dinosaures le faire façon dinosaure. Écoutons donc la version en anglais de Okamoto Zero Zone. Donc on est sur un terrain, il y a 70 millions d'années, on voit une flaque d'eau. Le monde n'avait pas d'amour, pardon. Donc on voit les dinosaures crier, comme dans un film. Et là, on voit que l'un est en train de s'insérer sur l'autre. Et là, il y a un mouvement de va-et-vient très subtil entre les deux. Et ça se passe pendant assez de temps. Hein. Et là, on les voit grogner. Ah oui, ah oui, ah oui. Et là, il y en a un qui s'en va. Il y en a un qui se retourne, il a l'air vraiment fâché. Là. C'est ça. Comme s'il s'était pas protégé. C'est comme si c'était pas protégé. Je pense que ça a du sens. Et ça dit à la fin, attends un peu, ça disait « Let's wear love ». Donc, portons nos love. Fabriqué au Japon, 0,01 mm. Okamoto Zero One. C'est la marque de condom qui s'annonce dans cette publicité-là. Et voilà. C'est tout, je pense, pour le bloc de sexe. Oui, absolument. Donc, le reste, on sortira de ce bloc thématique la prochaine fois pour parler de d'autres sujets dans le bloc pub, des idées de marketing, comment vendre des choses. Moi, ça m'intéresse pas mal. Les notes sont sur assemblagerequipe.com en passe. On prend une pause et au retour, c'est à ton tour, Tania. Oh oui. Avec Tania is gonna entertain ya. Reste là. Assemblage Reiki est présenté en collaboration avec l'AGE UQTR. toujours à Sondage Requis, ce mardi 1er mars 2016. Elle est Tania Baudin. Avec Mathieu Plon. Justement, en quelques instants, ce sera Tania avec Tania is gonna entertain ya. Mais avant ça, j'ai envie qu'on écoute une chanson et toi mais aussi. Oui, on a le temps aujourd'hui. On est seuls, toi et moi, donc écoutons Grimes. Ça fait longtemps, elle aussi, qu'on l'a pas entendu. Oui, c'est vrai. C'est ça, là. Flesh without blood. Tu riais de moi parce que j'ai dit écoutons Grimes ensemble. Hein? Ooh. Un peu. Music and chill much? Music and chill. C'est un assemblage requis. Au 89 FM. Grimes, Flesh Without Blood, assemblage requis. Maintenant, Tania is gonna entertain ya! Yeah! C'était une petite Tania qui voulait être pro des médias. Fait qu'elle est allée à l'école et puis maintenant à l'école c'est Tania. And she's gonna do the salut Tania. Bon matin. Allô, allô, comment ça va? Ça va bien. C'est fun quand ça va bien, hein? Il fait soleil. Oui, ben oui. T'sais. On adore ça. La vie est belle. Il faisait soleil de bonne heure en plus ce matin. Tout à fait. Comme avant 7 heures. Mm-hmm. Ça veut dire que plus le temps avance, plus l'été s'en vient. Oh oui, et c'est pour ça qu'on commence l'émission avec un décompte des jours qui restent avant la fin, 56 jours avant la fin de l'année scolaire. On aime ça. Mm-hmm. Donc, de quoi est-ce qu'on parle aujourd'hui? En fait, on va parler un petit peu d'un mélange de beaucoup de choses qui se produisent ces derniers temps, du moins en 2016, du moins dans notre génération, disons-la comme ça. De plus en plus spécifique, ton histoire. De plus en plus spécifique. J'ai comme le goût de parler, ça fait longtemps qu'on n'en a pas parlé, des relations de couple, mais pas vraiment des relations de couple, parce qu'on n'en a plus. Ce qu'on appelle les relations de couple, mais qui finalement sont juste des histoires passagères. Exactement. Il n'y a pas très, très longtemps, j'ai moi-même posté un article en anglais sur Facebook qui s'appelait... attends, je vais juste le retrouver. T'en poses tellement d'affaires. C'est « These texts show people's last words before they were ghosted forever ». Ces messages textes montrent les derniers mots d'une personne avant qu'ils se fassent ghoster, que tu vas nous expliquer, pour toujours. Exactement. Les textes en tant que tels, c'est vraiment juste pour remplir l'article. Moi, ce qui m'a vraiment... Effectivement. Ce qui m'a vraiment interpellée là-dedans, c'était le terme justement qu'on employait, qui était... ghosted forever. Fantomisé, fantomatisé. Ouais, faire fantomiser, devenir un fantôme, en fait. Ouais. Je me suis posé la question, qu'est-ce que c'était? Parce que, bien évidemment, je pense que tout le monde en 2016 a déjà vécu cette espèce de moment-là où tu sais pas trop qu'est-ce qu'il faut que tu fasses et où tu te demandes, est-ce que je suis en train de me faire ghosted? Ben, et si vous ne l'avez pas vécu vous-même, vous l'avez fait vivre à d'autres. Exactement. Ça aussi, ça m'est arrivé. Posez-vous la question, l'avez-vous pas déjà fait vous-même? Ouais. Parce que là, on est plusieurs à dire que c'est pas super gentil, c'est un manque de respect très grand. Ça, on va y revenir un petit peu plus tard. Mais posez-vous la question, est-ce que vous l'avez vous-même déjà fait? Parce que moi, hier, en faisant toutes mes recherches, j'ai pris le temps de me poser la question et j'ai fait comme... Et puis en même temps que je me posais la question, je me faisais dire que j'avais ghosté quelqu'un. Bon, donc là, on en parle, on essaie de vous dire nos tranches de vie, mais vous ne savez pas encore ce que c'est de se faire ghoster. Bien, exactement. J'ai cherché à savoir qu'est-ce que c'était à être ghosté et il n'y a pas malheureusement de traduction francophone. On ne peut pas vraiment savoir. Est-ce qu'on invente une? Moi, je dirais se faire fantômer. Se faire fantômer ou se faire fantomiser? Je trouve ça trop sodomie. OK. Se faire sodomiser, se faire fantomiser. Allons-y, c'est trop avec proche. Se fantomer. OK. Voilà. Donc, se faire fantomer pour Mathieu, il faut comprendre déjà à la base qu'on n'a pas vraiment de relation en 2016. Tout le monde n'est pas vraiment en relation. Donc, qu'est-ce que c'est de se faire fantomer? C'est l'acte de cesser brusquement toute communication avec quelqu'un que la personne voit. Ouais. Et là, je mets ça entre guillemets. Que t'es supposé être pas exclusif, mais proche. Quand vous êtes vu un certain nombre de fois... Coucher ensemble, peut-être. Ça arrive souvent après que certaines personnes aient eu des relations. Ça arrive aussi à être fantômé en amitié. Vous voyez vous-même où vous voulez mettre votre flèche par rapport à votre situation. Je suis pas psychologue quand même. Faut pas confondre fantômer et friendzoner. Non, c'est différent. Deux choses différentes. Je viens de le dire. Être fantômé, c'est l'acte de saisir brusquement toute communication avec quelqu'un que la personne voit, mais ne souhaite plus voir à ce jour. Ouais. En fait, c'est fait dans l'espoir que la personne qui se fait fantômer aura un pressentiment et va vraiment laisser la personne qui la fantôme toute seule. Ouais. Donc, à la place de leur dire tout simplement qu'elle ou qui l'est plus intéressée, on va juste tout simplement arrêter de parler à la personne. Ça m'est arrivé quelques fois que ma mère me demande « Oui, Bida, qu'est-ce qui se passe avec celle-là? » Puis je fasse comme « pas grand-chose, là. On sait pas reparler, tu sais, mettons. » On sait pas reparler. Je pense que c'est pire aujourd'hui à cause des réseaux sociaux, bien évidemment, parce que du moment que tu tombes ami Facebook avec quelqu'un, automatiquement, tu peux voir qu'est-ce qui se passe dans sa vie sans vraiment garder un lien avec cette personne-là. Je vais continuer avec la définition de qu'est-ce que c'est que de se faire fantômer, puis on va y revenir tout de suite après. Donc, la personne qui fantôme est pas vraiment spécifique à un certain genre et est étroitement lié aux compétences de maturité. J'ai entendu Mathieu, j'étais comme maturité. Hein? Mathieu, sois alerte. Non, en fait, c'est vraiment l'acte de fantômer quelqu'un. On va vraiment porter ça aux compétences de maturité et aux compétences de communication de la personne qui le fait. Ouais. Mais aussi, ça peut être de la personne qui le reçoit. Ça dépend toujours avec qui vous communiquez puis avec qui vous entretenez une relation. Une question de s'assumer, comme on dit, de dire les vraies choses à la place de juste faire comme « mais je m'en vais ». Exactement. Il y en a beaucoup qui tentent de justifier cette espèce d'acte-là de fantômer comme un moyen de mettre fin à une certaine relation sans blesser personne, ouais. Sans blesser les sentiments, mais ils prouvent en effet que la personne qui prend la décision en tant que telle pense plus à eux-mêmes qu'à la personne qui va se faire fantômer. Pense-y deux peu, secondes. Ouais. C'est un peu chien. Ouais. On va se le dire. Hein? Donc, l'acte crée souvent plus de confusion que ce que la personne qui veut mettre un terme à la relation voudrait en tant que telle, parce qu'à un certain point, tu te demandes qu'est-ce qui arrive quand tu es la personne qui reçoit ce syndrome-là un petit peu. Donc, de ce côté-là, je me suis posé la question, si en 2015, on est à savoir qu'est-ce que c'est que de se faire fantômer, qu'est-ce que c'est que de se faire revirer de bord. Dans un certain temps, on aurait pu dire ça il y a quelques années, on s'est tout simplement fait revirer de bord. Bien, j'ai pour vous quelques idées à savoir comment gérer ça. Cette espèce d'acte-là d'être fantômé. Pas de fantômé, d'être fantômé. Ouais. Donc, mettez-vous dans la peau de la personne qui fait... De fantômer quelqu'un, de juste arrêter de le faire, dans le fond. C'est ça, en théorie. Ouais. En théorie. Mais quand tu le vis, là, t'as pas de contrôle sur l'autre personne. C'est ça, exactement. Donc, il faut savoir, déjà en partant, pourquoi est-ce que les gens font ça? Mais comme je l'ai dit un petit peu plus tôt, c'est vraiment pour vouloir arrêter toute communication avec cette personne-là sans vouloir vraiment confronter la personne face à... Ça peut arriver se faire fantômer, ça peut arriver à la suite de, je sais pas moi, une dispute, ou ça peut tout simplement arrêter à la suite d'un intérêt qui a diminué face à la personne. Ouais, ou ça peut être un de tes critères aussi. Bon, la personne, je sais pas, veut pas d'enfant ou... Exactement. Parle contre sa mère ou peu importe. C'est ça. Ouais. On veut revenir tout à l'heure à six choses que l'on voit surtout ces temps-ci dans ce que l'on veut pour les relations. Puis vous allez voir que de se faire fantômer, en théorie, ça vient un peu avec tout ce qu'on veut comme relation. Ouais. Donc, pas vouloir confronter les gens ou pas vouloir de conflit face à ça, c'est un petit peu la raison pour laquelle on va commencer à fantômer des gens. Personne ne veut chicaner, c'est normal. Mais non, c'est ça. Mais comment est-ce qu'on gère avec ça lorsque ça nous arrive à nous? Je vous donne en exemple, vous êtes dans une semi-relation parce qu'aujourd'hui, tout est semi. Il n'y a rien de très, très... Ouais. Concret, stable. Concret, exactement. Les couples sont pas vraiment des couples. C'est fluide. Ouais, il y a comme un temps qui existe présentement entre les deux, trois premières dates puis le moment où qu'on va être en couple. Ça s'appelle la fréquentation. ça revient beaucoup, beaucoup dans les articles de recherche que j'ai fait, à savoir qu'est-ce qui était le problème avec se faire fantômer et la fréquentation en tant que telle serait le problème. Parce qu'en temps normal, c'est simplement de vouloir être avec quelqu'un sans vouloir être avec quelqu'un. Déjà en partant, si vous voulez pas de conflit, ça vous met un peu dans la barre, ouais. Parce que c'est un grand conflit de pas savoir ce que vous voulez face à ça. Mais bon. Donc, le premier point à savoir comment gérer ça si vous faites fantômer, c'est un petit peu comme une peine d'amour. Il faut savoir reconnaître ce qui se passe. Donc, la première étape, c'est de reconnaître que vous êtes en train de vous faire fantômer. Il y a un manque de communication flagrant de la personne que vous voyez en temps normal. Les attentes vont être beaucoup moindres de cette personne-là face à vous. Après quelques jours où qu'il n'y a pas de nouvelles, il faudrait commencer à reconnaître le fait que vous vous êtes peut-être fait fantômer. Il y a certaines personnes qui sont très occupés dans la vie. Par contre, lorsqu'on parle de fantômer, c'est vraiment après quelques jours déjà, vous n'avez pas de nouvelles. Là, vous allez retenter votre chance. Ça répond toujours pas. Je ne veux pas dire chance, mais vous allez retenter un début de conversation et ça ne fonctionnera pas. Si la personne vous répond au bout de 4 jours à « Allô », il y a un certain problème ici. Soit qu'elle était en vacances, soit que si elle était en vacances, d'après moi, vous seriez déjà au courant si vous fréquentez. Mais ça, c'est une autre histoire. Ouais. Peut-être pas en 2016. Le deuxième point, comment vous pouvez gérer tout ça, c'est l'acceptation. Donc, en fait, de reconnaître qu'on est en train de se faire fantômer, c'est quelque chose. Tu fais comme, OK, Mais l'acceptation, c'est quelque chose d'autre, parce qu'en 2016, l'ego est très présent face à tout le monde. Donc, il faut vraiment y aller de façon à lâcher les faux espoirs. Comme une rupture normale, on ne comprend pas vraiment ce qui se passe. On ne comprend pas vraiment pourquoi la personne va nous fantômer. Donc, de ce côté-là, c'est pas vraiment d'aller chercher à comprendre tout de suite qu'est-ce qui s'est passé, mais c'est vraiment d'accepter que vous êtes dans cette situation-là. Prenez pas en considération que c'est simplement un conflit. Si vous êtes en train de vous faire fantômer. En 2016, on peut le dire, il a probablement déjà passé à autre chose sans vous le dire. Regardez le nombre de temps que vous vous êtes pas parlé pour un moment. Vous allez voir où que ça a commencé. Et le nombre d'amis que cette personne-là a ajouté depuis. Aussi. Sur Facebook. Oui. Donc, le point numéro 3, comment gérer cette fameuse situation-là de se faire fantômer? C'est de pas hanter ou de pas chasser. C'est beau, c'est comme des analogies de fantômes sans mais sens. Mais là, ouais, je sais, hein, ouais, c'est vrai. Cute, ouais. Mais là, pas hanter ou pas chasser, c'est pas de pas partir à la chasse à quelqu'un d'autre. C'est de pas partir à la chasse de cette personne-là. Ouais. Donc, on s'oblige pas à aller aux mêmes endroits que cette personne-là. Surtout mettons les centre-ville, mettons, tu sais. Vous savez où qu'elle peut être c'est là. Ça, parce qu'il y a juste comme deux places au centre-ville, on le sait, tu sais. Oui, ben, on s'entend que si vous êtes à Trois-Rivières, il y a de fortes chances que vous tombez dessus. Surtout si vous êtes du genre à sortir avec vos amis ou quoi que ce soit. Sans cercle d'amis. Oui, c'est ça. Il faut pas commencer à ce qu'on appelle stalker la personne, espionner la personne. En général, c'est un bon conseil, tu sais. En général, la plus grande distance que vous allez pouvoir prendre de cette personne-là, donnez-vous cette opportunité. Là, parce qu'en temps normal, c'est ce qui va pouvoir vous donner ce boost-là par la suite d'être vous-même. Il faut savoir que le temps et l'énergie à dépenser, à chasser ou à hanter cette personne-là, si vous le faites, si vous êtes dans cette espèce de moment de deuil-là, vous devez la dépenser ailleurs. Ouais. Puis on sait que quand t'es en deuil, le temps passe beaucoup moins vite. C'est vrai. T'as l'impression que le temps est long. Parce qu'on fait juste penser à cette personne-là. Et évidemment, ça change absolument rien à ces fameuses étapes du deuil-là. Qu'on soit en 2016 ou qu'on soit en 1994, ce sont les mêmes choses. Ouais. En temps normal, c'est les mêmes émotions que les êtres humains vont vivre. Donc, que de se faire fantômer, c'est exactement la même chose que dans le temps, se faire dire « Non, je suis pas intéressé. Ouais. » Quand vous étiez intéressé, c'est exactement la même chose. À l'époque, on attendait le téléphone à la fin de la soirée. C'est ça. Ouais. C'est la même affaire. Il faut focusser sur la personne que vous êtes au lieu de la personne que vous cherchez à rejoindre. Donc, cette personne-là qui vous a fantômé, il faut tout simplement la laisser aller. Peut-être plus facilement que si c'était une vraie rupture de ce côté-là, parce qu'en temps normal, vous n'êtes pas dans une relation X, rien n'a été confirmé. C'est pas une peine d'amour, donc. Pour certains, ça peut être une peine d'amour. Ça, je l'ai vu à plusieurs endroits sur des sites Internet. Par contre, c'est vraiment toute ce temps-là qu'on passe sur les réseaux sociaux à connaître cette personne-là, parce que bien évidemment, je pense qu'aujourd'hui, en 2016, du moment qu'on connaît quelqu'un de nouveau, on va se mettre ami Facebook, on va se mettre ami Instagram, on va se mettre ami Snapchat. Là, on sait tout de leur vie. Là, on sait tout de leur vie. On peut les suivre partout. C'est comme si tu avais été avec cette personne-là pendant 3 ans, parce que tu as les 3 ans de backstory. Exactement. De sa vie. Tu peux savoir tout sur sa vie sur, exemple, Facebook, Twitter ou quoi que ce soit. Donc, du moment que vous faites fantômer, du moment que cette personne-là vous démontre que vous n'êtes pas assez important, et là, je l'ai dit en guillemets, là, important pour être dans sa vie, bien, donnez-vous le droit, tout simplement, de supprimer cette personne-là de votre vie. Parce que, bien évidemment, selon elle vous n'êtes pas vraiment important. Il y a un désintérêt face à vous. Donc, pourquoi est-ce que vous garderiez cet intérêt-là et pourquoi est-ce que vous le nourrissiez? Pourquoi est-ce que vous voudriez le nourrir? Ouais, pourquoi est-ce que vous voudriez le nourrir en allant continuer de voir sur Facebook ou Twitter ou peu importe sa vie quand, en temps normal, vous voulez passer à autre chose? Ouais. La quatrième étape, c'est chercher à comprendre si c'est possible. Et là, c'est le point important à comprendre, c'est si c'est possible. Ce n'est pas vraiment souvent, je pense. Ce n'est pas vraiment souvent parce qu'en temps normal, être fantômé, c'est vraiment très... pas très compréhensible. Non, c'est flou. C'est d'un coup sec qu'on retire... C'est ça. C'est très flou. C'est très... très ingrat, puis il y a beaucoup de gens qui comprendront pas nécessairement ce qui s'est passé, ce qu'ils ont fait. Donc, de ce côté-là, c'est bien souvent, les gens vont chercher à s'en sortir sans vraiment rien voir. Donc, la personne qui va vous fantômer va vraiment arrêter de vous parler, et peut-être même que cette personne-là va prendre l'initiative de vous supprimer de Facebook, vous supprimer de Twitter, vous supprimer de Snapchat, vous supprimer d'Instagram. Donc, si c'est pas vous qui avez fait toutes ces démarches-là, il y a encore plus de chances que vous cherchiez à comprendre qu'est-ce qui s'est passé, mon Dieu. Si jamais il est arrivé, je sais pas moi, une espèce de querelle, bien, ça se peut que vous ayez à vous poser la question, OK, qu'est-ce qui est vraiment arrivé? Est-ce que j'ai dit quelque chose? C'est vraiment la même chose qu'une rupture normale, mais en 2016, sans mots. Ouais. Moi, mon expérience, mettons, quand je me suis fait ghoster comme ça, c'était une fois où, tu sais, ça allait super bien, puis on se parlait tout le temps, puis on s'écrivait, puis on sait. Puis là, à un moment donné, du jour au lendemain, elle arrête de m'écrire. Puis quelques jours plus tard, tu sais, j'ai pas insisté. Ouais. J'ai peut-être écrit une fois ou deux pendant ce temps-là, mettons, aux 12 heures. Puis à un moment donné, comme trois jours plus tard, je m'excuse de pas t'avoir écrit. J'ai rencontré quelqu'un, tu sais. Ça, je trouve que c'est une très bonne façon de faire. Si tu veux ghoster quelqu'un, reviens plus tard, juste t'expliquer, genre. Reviens plus tard, juste expliquer moi, si tu compris, vois que la correct. Personne a encore cet intérêt-là. Ouais. Parce que, aussi, de nos jours, avec toutes les applications de rencontres, que ce soit Tinder, que ce soit peu importe l'application, même sur les réseaux sociaux, Facebook, c'est une opportunité qu'on a de pouvoir rencontrer des gens. Si je rencontre quelqu'un, j'irai pas me mettre à dire à tout le monde qui m'ont ajouté sur Facebook, « Hey, excuse-moi. » Mais il y a des gens qui te parlaient plus que d'autres. Exactement. Sur Facebook. Mais si vous voyez que cette personne-là, déjà, elle aussi, de leur côté, a un désintérêt, qu'est-ce que vous faites? Tu sais, si ça fait déjà 4 jours que les deux, vous vous parlez pas, que les deux, vous vous êtes pas écrit, est-ce que toi, tu serais du genre à vraiment aller lui dire? Ça m'est déjà arrivé. Ouais? Ouais. Moi, j'ai comme... J'ai aucun problème à dire que j'ai déjà fantômé quelqu'un. Bon, il semblait aussi. Mais de ce côté-là, c'est difficile quand même, parce que comment est-ce que tu arrives à le dire? Comment est-ce que tu arrives à savoir que cette personne-là avait vraiment l'intérêt d'être avec toi, en quelque sorte, pour que tu puisses lui dire « Ouais, excuse, mais c'est parce que je vois quelqu'un. » Ouais. Tu sais, en temps normal, en 2016, le moins t'en sais, le mieux ça va, c'est ce qu'ils disent. Le moins tu laisses paraître à quelqu'un, le mieux ça va dans une relation. Fait que comment est-ce que t'arrives à aller expliquer à quelqu'un que t'as rencontré quelqu'un d'autre quand tu sais même pas où cette personne-là se situe face à toi? C'est vrai. Tu peux y aller toujours face à toi-même. Moi, je serais du genre à dire, je voulais juste me sentir mieux face à moi-même et... Te laisser savoir que j'ai rencontré quelqu'un. Et moi, je pense que ça va avec le fait que la personne essaie de te reparler quelques heures c'est ou quelques ça. Jours après. Exactement. Là, tu vois que les deux voulaient... Si la personne recommence à te parler, si la personne t'envoie un message, là, c'est le moment de lui dire. Ouais. Mais si, exemple, vous vous êtes parlé pendant, je sais pas moi, un mois, vous vous êtes vu, tout ça, vous avez comme arrêté de vous voir, arrêté de vous parler, il y a eu une diminution de communication de ce côté-là, je serais pas du genre à aller voir cette personne-là puis lui dire « Ouais, ben j'ai rencontré quelqu'un. » Ouais. En tout cas, moi, je trouve parce ça que cette personne-là serait pas revenue d'elle-même. Si cette personne-là revient, je pense que je prendrais le chapeau de la méchante qui ferait comme « Ouais, mais tu m'as pas réécrit toi ouais. non plus. » Ça, c'est vrai. Tu sais, il y a cette espèce de confusion-là aussi de nos jours que peut-être que nos parents avaient moins parce qu'ils devaient s'appeler, justement, ou peu importe. C'est si la personne ne t'écrit pas normalement, t'as comme... Toi aussi, là, t'as cette espèce d'acte-là, d'être fantômé face à cette personne-là. Donc, est-ce que les deux peuvent se fantômer? Ah! Mais des fois, je pense qu'on s'inter-fantôme. C'est ça. Ouais. Je pense que oui. Mais parce je pense qu'on peut que pas s'auto-fantomer. Ça va avec les relations d'aujourd'hui. Hein? Ouais. Il y a rien qui est vraiment, comme on le disait, concret. Il y a rien qui arrive à quelque chose, bien souvent. Là. C'est on va plate. Se fréquenter. Ça, oui. On va se fréquenter, mais écoute, ça ira pas plus loin parce que je veux rien, sauf que si je t'appelle à minuit, viens. Oui, c'est ça. Il faudrait pas qu'il y ait d'engagement, mais en même temps, il faut qu'il y ait un certain engagement. Ouais, c'est ça. C'est... Quel monde plate. Exactement. Ouais. Le point numéro 5 de comment gérer cette situation-là d'être fantômé, c'est de se rappeler que c'est pas toujours de sa faute. Si à l'étape numéro 4, vous avez cherché de comprendre, vous êtes posé vos questions face à vous-même, vous êtes posé la question à savoir s'il n'y avait pas eu des querelles, s'il n'y avait pas eu des discussions qui étaient peut-être... un petit peu trop égoïste ou peu importe, si vous voyez vraiment que c'est peut-être juste un manque d'intérêt de la personne face à vous, bien, rappelez-vous que c'est pas toujours votre faute parce que la technologie fait en sorte qu'on a un choix multiple de personnes de façon extrêmement rapide de nos jours. C'est tellement facile de rencontrer quelqu'un d'autre de nos jours. Donc, de ce côté-là, dites-vous pas que c'est nécessairement de votre faute. C'est peut-être juste que, justement, l'intérêt est facilement switchable de nos jours. Ouais. Et c'est tellement rapide que vous avez même pas le temps de vous dire « Ah, oh, j'aurais dû faire ça différemment. J'aurais dû faire ça d'une autre façon. » Parce que, de toute façon, ça serait probablement arrivé. Mm-hmm. Donc, c'est le fun, c'est les filles qui disent dès le départ qui get bored easily, genre, qui se tanne facilement d'un gars. Ouais. Qui dit ça dès le début de la conversation, tu fais comme, bon, est-ce que je m'embarque vraiment avec une fille qui va probablement passer au prochain dans deux jours? Ça, c'est vrai. Ça, c'est... Mais je pense que ça va dépendre du niveau de... Pas du niveau de maturité, je veux pas dire ça, mais du niveau de la personne aussi qui va vous parler, parce que ça arrive du côté des gars. Ouais, ouais, qui oui. le disent eux aussi. Moi, je ne m'intéresse jamais vraiment à la même fille parce que... Les filles, ils changent d'idée tout le temps, ou peu importe. De ce côté-là, faut voir aussi, hein? Ouais. Et la dernière étape, en fait, de comment savoir gérer ça, cette espèce de situation-là, d'être fantômé ou de fantômé, peu importe, c'est de focusser sur vous-même et ouvrir vos horizons. Donc, du moment que vous avez passé toutes les étapes, c'est vraiment comme une étape de deuil, en fait. C'est de prendre vraiment le temps pour vous, de faire des activités, de voir vos amis. Bien évidemment, tantôt, on parlait de sortir, de pas chasser la personne, d'aller dans les mêmes endroits que cette personne-là. Si vous êtes au centre-ville de Trois-Rivières, honnêtement, il n'y a pas 142 places où vous pouvez aller. Il y a plein de places. Si vous avez rencontré cette personne-là dans un endroit où vous alliez déjà depuis très longtemps, c'est sûr qu'il y a de fortes chances que vous le rencontreriez encore si vous y allez avec vos amis, parce que vous êtes des gens habitués de cette place-là, vous êtes des gens qui alliez déjà avant de connaître la personne. Moi, ce que je veux dire, c'est de ne pas changer vos habitudes de tout à rien pour une personne. Continuez à y aller comme vous y alliez avant. Mais tu peux essayer d'autres bars, d'autres cafés avec d'autres styles de exactement. Musique derrière. Ça dépend aussi de votre entourage, vos ça. Amis. Si vos amis décident que vous avez le droit de vous torturer, ben allez-y, torturez-vous. Sinon, vous avez si des bonnes amis. Si c'est à la grange, c'est pas à la grange. Hein? Oui. Ben oui. C'est ça. Mais oui. Pas choix. Mais y en a, comme on dit, il n'y a pas 142 bars ici. Alors... On disait tout à l'heure aussi que c'est comme une espèce de marque de manque de respect flagrant aujourd'hui de pas répondre à ces gens-là sur les médias sociaux, de pas donner de réponse ou peu importe. Il y a un article qui est du blog 1 ou 2 Fantasy, 1 ou 2 Fantasy.com, un blog québécois dont je vous ai déjà parlé. Et l'article aussi, je l'avais mentionné sur ma page Facebook personnelle, c'est répondre aux messages et autres formes de respect. Moi, je pense que tout découle de là. Ouais. Quand que ça fait 4 fois que je te dis « Allô, comment ça va? » et que je vois mm-hmm. que tu lis le message... Oui, ça c'est vrai. Et le respect de me répondre. Oui. Parce que là, c'est surtout ça qui crée des problèmes. C'est surtout ça qui crée cette espèce de questionnement de « qu'est-ce que j'ai fait? » En même temps, moi ça, je trouve, puis on l'a déjà dit ici, oui. on a déjà discuté, que Facebook, je trouve pas ça correct qu'il te montre quand la personne écrit, quand le message est lu. Je trouve pas ça nécessairement correct du tout. C'est pas nécessairement correct, par contre, ça te donne une idée. Oui, mais dans la vraie vie, c'est pas de même que ça marche. Ben, dans la ça vraie vie... Ça va trop loin, je trouve. Si tu parles à quelqu'un, face à face, ouais. en temps normal, si elle te répond pas, tu vas voir qu'il y a un désintérêt, je sais pas. C'est pas une analogie correcte, je trouve. L'analogie correcte, ce serait si t'envoies une carte postale à quelqu'un et qu'il la reçoit par la poste, oui. qu'il la met sur la table, versus la lire. Oui, c'est sûr. Tu sais, c'est ça qui est différent. C'est un message virtuel. Oui. Écrit. Mais un message texte aussi, c'est la même chose de nos jours. Oui, ça c'est vrai. Mais mettons, de toute façon, même, je sais pas si tu te souviens, mais il y a quelques années, on n'avait pas cette option-là. Ouais. Je pense que c'était pire parce que tu demandais à la personne « As-tu lu mon message? Ouais. As-tu reçu mon message? Ouais, » Il y avait cette pire. Espèce okay. d'engouement-là, pareil, de savoir si la personne avait lu ton message mais et même si, si elle allait te répondre. Lu, même si c'est marqué « lu », ils l'ont pas nécessairement lu, ils ont juste fermé la fenêtre. Là. « Lu oui, » veut rien dire. C'est vrai. C'est vu, mais ça veut pas dire que tu l'as lu. Mais à ce moment-là... après 5 messages, en temps normal, en temps normal, tu devrais avoir le respect de répondre à la personne. Ça, je suis tout à fait d'accord avec toi. Tu sais, si, mettons, de l'autre côté, mettons que j'ai que t'écris aux 12 heures, je dis, à place de dire « j'ai », je dis, mettons que quelqu'un de fictif écrit à quelqu'un, mettons, du sexe féminin, à chaque 12 heures, un petit « allô », tu sais, le jour, le soir, tu sais. Ouais. Puis là, ça en fait comme, mettons, 6-8, mettons. Mais que la dernière fois que ça s'est passé, était super occupé, mettons. C'est comme « je m'excuse vraiment, puis je le referai pas ». Puis là, ça se reproduit. Est-ce que je devrais prendre ça comme un signe que je devrais plus y écrire? Mettons. Ben, je pense qu'il y a cette... que la personne devrait plus y écrire. Je pense qu'il y a... ouais, c'est ça, hein? Tu t'es trompé dans tes... Excuse-moi. Je pense qu'il y a cette espèce d'air d'aller là aussi de nos jours qui est de démontrer que l'on peut faire quelque chose par nous-mêmes et qu'on n'attend pas après personne. Fait que c'est peut-être pour se laisser désirer. Peut-être. Ouais. Mais il y a ce côté-là où que toi aussi, tu dois le faire. Aha. OK, donc tu penses que quand quelqu'un fait ça à la personne, faut que l'autre personne le fasse en revanche. Ben, c'est comme ça que ça fonctionne maintenant, non? Je vais pas répondre, même si elle me C'est la fameuse « suis-moi, je te suis, fuis-moi, je te... » Voyons donc. Hey, que je comprends rien à ces histoires-là. C'est ça d'avoir été en couple pendant genre 6 ans et demi. Ben, c'est ça de nos jours. Ouais, j'ai skippé une partie de la génération. Non, honnêtement, c'est un petit peu plate parce que si t'es quelqu'un de sérieux qui cherche à avoir quelque chose de sérieux, tu vas toujours tomber de nos jours sur quelqu'un qui veut rien de moins qu'une fréquentation. À moins de prendre quelqu'un qui a exactement ton âge? Non, parce même que pas. Même de ce côté-là, si t'arrives à quelqu'un... exemple, prenons moi, là, j'ai 24 ans, OK? Si j'arrive à quelqu'un de mon âge, probablement que cette personne-là va vouloir une fréquentation et rien d'autre. Ouais. Parce qu'on a bâti notre identité sur ce qu'on veut devenir, ce qu'on veut accomplir et ce qu'on veut dans notre vie. Si on rencontre quelqu'un, on va y dire automatiquement, OK, c'est beau, reste à côté de moi, mais je te jure que ça se peut que je te kick tantôt en bas de l'auto. Ouais. Parce que ça se peut que tu fites plus dans ce que moi, je me suis formée. Ou que je rencontre mieux. Ou que je rencontre mieux. Parce qu'on cherche toujours mieux, on dirait, de nos jours aussi. Ben oui, c'est sûr. Donc, de ce côté-là, je pense que c'est vraiment l'attente du parfait. Tu sais, notre vie parfaite que l'on s'est formée dans notre tête, c'est vraiment cette espèce d'attente-là qui se transporte aussi du côté de nos relations, qui fait en sorte que c'est un petit peu problématique. C'est nul! C'est très nul. Ouais. C'est très, très nul. Essaye de trouver quelqu'un de nos jours qui cherche la même chose que toi de façon sérieuse. Exemple que tu veux quelque chose de sérieux, ça va être très, très difficile parce que ces gens-là iront pas le crier non plus. Non, mais il y en a sur Tinder qui vont marquer relation sérieuse, mais en même temps, sont Tinder. T'sais. Ouais, mais... tu sais, veux dire, hein? C'est pas tout le temps vrai! Pas nécessairement! Ouais, et voilà. Bon, Colin, que c'est un sujet ça, à approfondir ou sur plusieurs chroniques. Ou vous faites comme plusieurs, vous téléchargez Tinder l'instant de quelques semaines, vous le détruisez 2-3 mois, vous le téléchargez. Ah, Daniel, en tout cas, c'est ça. Continue de même. Mais, écoute, on est deux maudits beaux losers. Mais c'est... non, mais c'est parce que je pense, je discutais hier avec quelqu'un que, je dois l'avouer, j'ai fantômé. Boy, OK. Mais je discutais pareil avec cette personne-là et je lui disais que je suis pas du genre à vouloir mettre mes œufs dans différents paniers. Les gens qui vont être sur Tinder en temps normal, et là, j'y vais vraiment de fille face à gars, relation Tinder que j'ai déjà eue, les gars sont du genre à voir 4 filles de Tinder en même temps. Ouais, c'est ça. Eux autres, ils remplissent plusieurs paniers, moi. C'est ça. mais je pense que du côté féminin, c'est différent. Je pense que la fille va vraiment y aller avec un gars, voir si ça fonctionne. Si ça fonctionne pas, si elle voit qu'il y a pas vraiment d'intérêt, là, elle va changer. Mais je suis pas du genre à mettre mes œufs dans 4 paniers en même temps. Tu sais, c'est impossible que j'aille à 4 dates la même semaine. Ouais. Oublie ça. Non. Je suis pas mal plus du genre à me concentrer sur une seule personne et à vouloir connaître cette personne-là. Et je pense que c'est ce que les gens en 2016 ne font plus exactement. C'est que tout simplement qu'ils veulent avoir du fun et ils veulent surtout être dans cette espèce d'air d'aller-là du entre-deux. Ouais. Tu sais, t'es pas ma blonde, mais on couche ensemble. Mm-hmm. Mais si demain matin, je veux coucher avec ton ami, prends-le pas personnel, là, parce que de toute façon, on n'est pas un couple. Yark! C'est comme fuck friend de luxe. Ouais, c'est un peu ça. Et que j'ai ça. On se fréquente, mais je t'amène pas chez nous à Noël. En tout cas, ouais. Je me sens extrêmement vieux avec ce genre de discours-là. Mais maudit que c'était mieux avant. Mais moi, je trouve que ça va former quelque chose de très, très problématique dans les prochaines années, là. Vraiment. Ça va donner des gens qui sont soit focusés seulement sur le travail ou, je sais pas, il va arriver quelque chose, c'est sûr. il n'y aura plus de romance du tout. Ben, si probable, sait. Probable. Ouais. Moi, en tout cas, tout ce que je veux vous dire, c'est... Faites-le donc. Si vous voulez tomber en amour, là, tombez en amour. Ouais. Je pense que c'est beaucoup mieux d'avouer à quelqu'un que vous êtes tombé en amour avec cette personne-là que de jouer la game du « Ah non, mais tu sais, moi aussi, là, je voulais pas vraiment grand-chose après vous être fait fantômer. » Puis ils disent tout pas jouer la game. Non, c'est ça l'affaire. C'est ça. Ah, ils disent jamais la game. Mais non, mais non. Mais non. Pas de game là-dedans. Mais non. Mais non. Tu m'en fais pas l'attendre, pas en ça. Y'en a pas de game là-dedans. Mais non. J'ai jamais eu de game. Hey, à quel sport on joue? C'est ça. Passe-moi la puck, mon score. Au début. Au Blue Balls. On joue au Blue Balls. Ah, j'ai au Blue Balls. C'est ça. C'est ça. Ouais, donc, tombez en amour si vous voulez tomber en amour. Et aussi, vivez vos sentiments si vous voulez vivre vos sentiments. Bien dit, Tania. Merci. On se quitte en musique? On se quitte en musique avec une pièce que j'ai trouvée justement, Fantogramme. Oh. Et c'est la pièce Fall in Love. À Assemblage Requis dans Tania is gonna entertain ya. Oh oui! Dans la chronique de Tania is gonna entertain ya. Excellent choix de chanson, même si ça avait probablement rien à voir, t'as juste tapé fantôme quelque chose. Non, même pas. En fait, j'ai cherché les meilleures chansons indie qui étaient en lien avec les relations de nos jours. Ah, cool! Et j'ai trouvé cette chanson. Ben, t'as bien trouvé. Merci, Tania. Merci beaucoup. Une autre chronique demain. Oui. Et tous les jours de la semaine, l'assemblage requis. On est rendu à la précédente pause qu'on avait sautée, donc on va prendre une pause là, puis ça va être pas mal ça pour les pauses. Hein. Donc on revient après avec les instructions d'assemblage. Restez là. Assemblage Requis est présenté en collaboration avec l'AGE UQTR. Vous êtes à l'Assemblage Requis en ce mardi 1er mars 2016. C'était Tania Baudin. Avec Mathieu Plante. Oui, le mois de mars, il en reste seulement deux. Ouais. Seulement deux avant l'été. Oui. Maintenant, tiens, dans l'Assemblage Requis, une fois de temps en temps, on aime ça apprendre des choses, mais pas comme dans C'est un fait. Apprendre des choses pour mieux vivre. Des conseils de vie. Essayer d'améliorer son sort dans cette difficile vie qu'on appelle la vie en 2016. Oui, c'est ça. Donc voici les instructions d'assemblage. Nous vous remercions d'avoir acheté le machin. La poursuite de ces instructions vous conduira à son assemblage. Étape 1. Prenez d'abord le bidule et l'insérez tout au fond du tige numéro 2. Retournez ensuite la tournevis numéro 24 contre vous. Prenez quelques vis numéro 77 et boulez-les aux charpentes numéro 39. Serrez ardemment avec la clé numéro 17, repliez le tige numéro 45A. Ouais, mais ça marche pas. C'est les instructions d'assemblage, je croyais qu'on fait moins fréquemment qu'avant, mais qui est toujours aussi pertinente. Commençons avec une façon de faire des bouchées de chocolat. Ooh. Avec presque pas de nettoyage, grâce à un bac à glace en silicone. Ah. C'est parfait, des bacs à glace en silicone, en fait, pour les herbes, les sauces, le vin, pour le garder pour plus tard aussi. Mais c'est aussi parfait pour faire délicieuses collations au chocolat. Il y a un lien sur assemblagerequis.com pour ajouter quelques trucs dans votre chocolat, mais en gros, c'est quand même assez simple. Ça va donner des bouchées avec une apparence un peu rugueuse, mais vous pouvez avoir une meilleure apparence en vous assurant que le bac à glace soit complètement propre et sec. Parce que s'il y a de l'eau, ça peut faire que le chocolat va devenir granuleux. Dans votre bac à glace. Une fois que votre bac de silicone est préparé, vous faites fondre votre chocolat dans le micro-ondes par coup de 20 secondes en brassant entre chaque fois jusqu'à ce qu'il reste très peu de grumeaux. Et ensuite, vous allez brasser jusqu'à ce qu'il disparaisse. Là, vous allez brasser dans votre bol que vous avez fait fondre de votre chocolat. Vous allez remplir chaque case du bac jusqu'à ce qu'on ait un demi-pouce environ d'épaisseur de chocolat fondu. Et vous ajoutez ce que vous voulez, que ce soit des noix, des fruits secs, du granola fait maison, des sprinkles, peu importe. Vous mettez ça sur le dessus. Vous appuyez dessus pour les faire entrer dans le chocolat et ensuite vous laissez ça à la température pièce pendant quelques heures, vous les ressortez et c'est delicious! C'est une bonne idée, n'est-ce pas? En effet. Ensuite, on dit de ne pas se poser la question « Est-ce que je peux me le permettre? » mais plutôt « Devrais-je me le permettre? » hein, c'est une petite twist quand même qu'on n'aurait pas vu venir. Ouais, non, c'est vrai. Donc, juste parce que vous avez de l'argent à dépenser dans votre compte ou de la place dans votre budget pour faire un paiement par mois ne veut pas dire que c'est une bonne idée de l'acheter, nous dit-on. Donc, la différence entre « je peux » et « je devrais », à part causer quelques désastres financiers, ce serait de tenir votre plan financier à long terme. Donc, le site de finances personnelle Wealth Redesign nous explique que votre bien-être financier est déterminé principalement par les habitudes que tu formes. Donc, à la place d'approcher un achat ou une décision financière de la perspective de « est-ce que tu peux? » tu devrais te demander si tu devrais. Par exemple, faire de plus grands achats devrait être quelque chose que vous devriez prendre en considération plus longtemps que juste, tu sais, genre que j'aimerais avoir une télé en définition 55 pouces dans mon salon. Est-ce que tu devrais? Est-ce que tu devrais? Moi, je trouve que oui, parce qu'en tant que tel, c'est un de mes seuls passe-temps. Un de mes seuls vices. Ouais. Donc oui, je trouvais que je devrais. Mais bon, peut-être que la réponse à cette question-là aurait été quand même que je devrais pas. Faites aussi attention au nombre de paiements que vous avez par mois. Moi, c'est ce que j'essaie d'enlever dans ma vie en ce moment. Tu sais, j'essaie de suivre mes propres conseils quand je peux, là, mais de minimiser le nombre de paiements récurrents que vous avez. C'est vrai. T'sais, parce que là, si t'as un petit 50$ par là pour la télé, t'as un petit 10$ par là pour le Netflix, t'as un petit 60$ par là pour Internet, essayez de minimiser le nombre de paiements récurrents, comme mettons la TV, une fois qu'elle est rendue en dessous de 500$, comme mettons moi là, m'a enclenché, même mais que j'ai le cash pour, mm-hmm. pour essayer d'avoir un 50$ de moins par, de plus par mois, finalement. Ben oui. Puis là, après ça, tu vas pas dire, ah, mais là, si je pouvais me permettre le 50$ par mois, j'allais me chercher d'autres choses de 50$ par mois. Non. Une télé, c'est parce que c'était nécessaire. Oui. Il y a pas d'autres achats nécessaires pour l'instant. OK. Tu vois, des fois, il faut aussi essayer de se justifier dans la vie. Ensuite, Windows 10. Oui. Vous montre Microsoft. Vous savez comment je suis un grand fan de Microsoft. Pas vraiment. Ouais, c'est ça. Windows 10 montre des publicités sur l'écran verrouillé de votre ordinateur depuis quelques temps. Hein? Des publicités. Parce que, tu sais, Windows 10, là, c'est gratuit. Oui. Tu sais, si t'avais Windows 7 ou Windows 8.1 et plus, c'est gratuit. Quand quelque chose est gratuit, c'est qui le qui se fait avoir? C'est le client. C'est toi qui le produit, finalement. Un peu comme sur Facebook, c'est toi le produit. Ben oui. Sur Gmail, c'est toi le produit parce qu'on prend tout ce que tu fais et on te revend de la pub par-dessus. Carrément. On fait de l'argent sur toi. Bref, Windows 10, comme c'était gratuit, ils justifient le fait qu'ils peuvent vous passer des publicités lorsque votre écran est en veille. Ça s'appelle Spotlight, qui vous montre de belles photographies. Ça, c'est super le fun. Ça vous montre des photos sur votre écran de veille et des faits amusants quand vous démarrez votre ordinateur, entre autres. Donc, vous ouvrez l'ordinateur, il y a des belles photos, des beaux petits faits. Mais maintenant, il y a des publicités aussi. Donc, sur le site How to Geek, on a découvert que Windows Spotlight, qui est le nom là, qui choisit la rotation des photos, oui. Montrait des publicités pour le jeu de Square Enix, Rise of the Tomb Raider. En tant que tel, c'est une publicité cool parce que c'est Rise of the Tomb Raider. Tomb Raider, c'est cool. Mais les gens qui veulent pas de publicité, vous pouvez ouvrir le menu démarrer, chercher Lock Screen Settings, en anglais. Mm-hmm. Vous allez sous Arrière-plan, Background. Vous choisissez soit photo ou slideshow à la place de Windows Spotlight et vous descendez à l'option qui dit avoir des faits amusants, des conseils, des trucs et plus sur votre écran verrouillé. Donc, get fun facts, tips, tricks and more on your lock screen. Et vous désactivez ça. Et le and more, ça veut dire publicité dans la phrase. Faits amusants, trucs, conseils et plus c'est de la pub. Fait qu'enlever ça. Évidemment. C'est simple hein, comme conseil, mais ça va vous enlever la publicité à une place où vous en avez pas besoin vraiment. Hmm. Ensuite, on vous dit de garder une spatule dans votre lave-vaisselle, de mettre un drain vaisselle dans le lavabo et d'autres conseils pour garder votre cuisine propre. Donc, c'est une petite vidéo de Nona's Driscoll chez Get Organized Already qui est remplie de petits conseils pour votre cuisine. Quelques suggestions qui se démarquent, entre autres l'idée d'avoir toujours une spatule dans la vaisselle pour que vous et vos colocataires, amis, couples, peu importe, puissiez enlever les dégâts directement dans le lavabo ou dans la poubelle avec la spatule qui est dans le lave-vaisselle. T'auras pas à la chercher dans le tiroir parce que si elle est dans le tiroir, caché, t'avéras pas, tu le feras pas. C'est vrai. Sinon, on peut mettre aussi l'égouttoir, le truc pour égoutter la vaisselle. Mm-hmm. Dans votre lavabo, si vous avez particulièrement un lavabo à deux côtés. T'sais. Donc, vous pourriez, à la place de le mettre sur le comptoir et gaspiller de la place, vous le mettez dans l'évier. Comme ça, vous sauvez de la place, vous lavez votre vaisselle, ça passe entre les barreaux de votre truc pour égoutter. Parce que moi, c'est juste un truc avec des petits barreaux là, super minces. Donc, vous lavez, ça tombe dans l'évier, vous mettez votre vaisselle dessus, puis à un moment donné, ben, vous sauvez de la place sur votre comptoir. Hein? Puis après ça, ben, si tu veux, tu peux aussi le sortir de ton évier pour laisser égoutter ça. Puis quand c'est fini d'égoutter, tu sors ta vaisselle, tu mets le rack dans le lavabo. Mm-hmm. À la place de le mettre dans l'armoire. Parce que si tu le mets dans l'armoire, tu vas vouloir laver ton affaire, l'essuyer, puis le mettre dans l'armoire, puis ça, c'est plate. Bref, des trucs qui sont quand même assez de base, mais quand même assez importants aussi. On dit sinon, dans les autres trucs, de s'assurer d'établir une routine pour laver et vider le lave-vaisselle. Par exemple, que quelqu'un va partir le lave-vaisselle chaque soir avant de se coucher. Ça c'est pour quand on a beaucoup de gens dans la maison. Ensuite, quel matériau chercher si vous voulez acheter la serviette la plus douce? Ah. Tu sais, une serviette, c'est doux au magasin, mais oui. Ça veut pas dire que ça va rester doux une fois lavé. Non, c'est vrai. Ça, hein? Mon Dieu, c'est vrai. On a tous une expérience de mauvaise serviette qu'on a regretté d'acheter parce que soit ça absorbait pas du tout, ce qui m'est déjà arrivé aussi, ou encore une serviette était supposément très, très douce qui finalement ne l'était pas. Donc, les meilleurs matériaux pour des serviettes, c'est apparemment fabriqué à partir de coton égyptien mm-hmm. et de pima. Et de quoi? De pima. Pima. Donc, c'est Kimberly Janeway chez Consumer Reports qui a demandé à Pat Slavin, c'est un ingénieur textile, oui, ça existe, quel matériau on devrait chercher dans des serviettes. Slavin recommande des serviettes faites de rayon, R-A-Y-O-N, de pima, P-I-M-A, ou de coton égyptien, étant donné que leur lainure, ou peu importe, est douce et soyeuse, et ça fait moins de petites moussettes. Ah. Moins de petites pertes de mousse, là, comme on connaît, là, quand on s'essuie, puis qu'on s'en passe avec plein de mousse partout. Ben oui. Puis on jette la serviette parce que c'est pas le fun. Donc, c'est super absorbant aussi, et voilà, donc selon Slavin, les manufacturiers vont garnir leur serviette d'un fini adoucisseur de tissu qui va faire que ça va être super doux au magasin. Mais qu'en fin de compte, quand tu le laves, ce petit tajou finit par partir au lavage. Et c'est pour ça que vous n'avez pas une serviette si douce que ça une fois rendue à la... Ah ben, maudit! Donc faites attention, prenez du coton égyptien, du piment ou du rayon. Ensuite, une très bonne idée pour les utilisateurs d'iPhone. vous pouvez avoir une alarme qui va sonner lorsque c'est le moment de partir. Qu'est-ce que tu veux dire? Ouais, ben tu sais, à la place, moi, je comprends la question, mais tu vas voir que c'est vraiment intéressant parce que à la base, on va tout le temps mettre une alarme, bon, mettons, à une heure avant l'événement. Oui. À une demi-heure avant l'événement, des trucs comme ça. Et bien maintenant, Apple est très, très proactif et une des choses qui est utile dans le calendrier, l'application calendrier, selon Finer Things in Tech, c'est d'avoir une alerte dans votre calendrier avec l'heure de partir, time to leave. Donc, le iPhone va regarder les conditions de trafic dans votre ville et va regarder la place où vous vous en allez et va vous donner une alarme au moment où vous devriez partir par rapport au trafic. C'est malade. C'est vraiment très, très cool. Donc, vous devez utiliser le calendrier qui est inclus dans votre iPhone, donc l'application qui vient par défaut. Vous allez créer un nouvel événement, taper l'endroit où c'est, choisissez le bouton « Alerte » et ensuite « Time to leave », donc « Heure pour partir ». Et peu importe où vous êtes, le calendrier va vous envoyer une alerte au bon moment. C'est à partir de iOS 9. Voilà. Facile à rater quand même, mais une fois que vous le savez, c'est là. Ben oui. Cool. Ben, c'est vraiment cool. Vraiment. Ensuite, testez la température de votre four avec des biscuits Pillsbury. OK. Ouais, la température de votre four, en fait, l'affichage de la température de votre four pourrait très bien vous mentir. Certains fours sont plus chauds ou plus froids que ce que le cadran dit sur le four. Donc, une bonne façon de le savoir, c'est de se faire des biscuits Pillsbury. C'est un conseil qui vient de Michael Ruhlman sur la radio WNYC au Leonard Lopate Show. Hein, l'émission de Leonard Lopate. Lopate, ça fait comme quelque chose que tu dirais à ton chien. Bas les pattes. Bref, Ruhlman dit que la recette pour les biscuits Pillsbury a été vraiment testée avec des années et des années d'expérience. Donc, si un rack de biscuits sort sous-cuit ou sur-cuit après avoir suivi les instructions de façon précise, vous allez savoir que votre température est trop haute ou trop faible. Donc, vous allez pouvoir trouver aussi en même temps, en le faisant sur une plaque à biscuits, les hot spots et les cold spots, les points chauds, les points froids de votre four en regardant la cuisson de vos biscuits, un peu comme on testerait d'autres affaires dans la vie. Pour les spots de chaleur dans un four là. Donc il y a des tests pour ça, des tests officiels, mais avec les biscuits, c'est un peu la même chose, un petit peu moins scientifique, mais l'idée est vraiment bonne. Allez voir comment faire, les instructions sont sur assemblagerequis.com, mais en gros, vous mettez les biscuits dans le four, puis vous regardez ce que ça donne, hein? Faut juste suivre les instructions de façon très simple. Il n'y a pas grand instructions sur les biscuits Pillsbury de toute façon, c'est quand même assez facile. C'est fait pour moi, ces recettes-là. Ensuite, utilisez le bout pointu d'une fourchette de plastique pour faire plein de choses. Il y a des... donc, c'est une vidéo sur la chaîne YouTube de Crazy Russian Hacker qui vous montre un petit hack pour votre fourchette de plastique. On lui dit de rouler le sac de chips et ensuite de prendre les bouts pointus de la fourchette et de glisser ça dans le sac de chips pour faire tenir le sac de chips fermé. Donc la prochaine fois que vous faites un pique-nique ou un barbecue, prenez une de vos fourchettes qui est peut-être déjà avant qu'elle casse dans le fond, t'sais. Pourquoi pas s'en servir pour faire d'autres choses et empêcher vos chips de devenir toutes molles. On va regarder le reste de la vidéo, je vais la regarder sans son là. C'est un petit 6 minutes, il y en a quand même plusieurs. Donc on voit qu'il ferme le sac de chips en roulant le dessus. En faisant ça très très serré, et ensuite il va prendre sa fourchette de plastique, il va simplement entrer entre la fente, entre mettons la patte numéro 3 et la patte numéro 1 de la fourchette, donc les pattes du milieu sont d'un côté, les pattes des extrémités sont à l'extérieur, et ça tient super bien le sac de chips, la preuve est à l'appui. Sinon il utilise aussi une fourchette de plastique pour piquer son Oreo. Donc, il prend son Oreo, pique dedans, et là, il peut tremper son Oreo dans du lait au complet, sans salir les mains. Pour vrai, c'est du génie pas mal. C'est vrai. Quand il se met les doigts dedans, il peut juste avoir, genre, le début du biscuit, et après ça, il échappe le biscuit dans son verre de lait. On dirait une infopub, tu sais. Est-ce que ça vous est déjà arrivé? Ensuite, il y a aussi... Ah tiens, ça, c'est vraiment un très, très, très bon conseil. C'est, si vous avez de la difficulté à... Attends, parce que là, il est en train de mettre de l'huile dans un... c'était après le truc, après... C'est une vidéo de 6 minutes et demie, c'est un petit peu difficile de passer dedans, là. Donc, il utilise sa fourchette pour... Il était en train d'ouvrir l'huile, la bouteille d'huile avec sa fourchette de plastique. Donc, bref, il y en a plein d'autres sur assemblagerequis.com. Je trouve ça quand même le fun. Ensuite, vous pouvez changer la vitesse de la lecture de votre lecteur QuickTime avec un seul clic de votre souris et de votre clavier en même temps. Si vous servez de QuickTime sur le Mac OS X, les versions récentes ont caché une fonctionnalité qui était un petit peu plus évidente avant, qui était très utile pour les gens qui écoutent des émissions des fois en rafale, particulièrement des talk shows, des télé-réalités. Si vous voulez sauver du temps, vous n'avez pas besoin de l'écouter en temps réel. D'écouter une émission dramatique ou une sitcom en temps réel, c'est normal, mais un talk show, des fois, tu peux l'écouter en 1.5 fois plus rapidement, puis ça passe plus vite, puis tu perds rien. T'sais. C'est vrai. C'est le fun. Donc, on peut cliquer avec le bouton « Option » du clavier et cliquer sur les flèches pour avoir un petit peu plus de précision. Donc, tu peux aller vers l'avant ou vers l'arrière avec les boutons normaux. Ça va aller entre une fois, 10 fois et etc. pour les vitesses. Et si tu tiens le bouton option de ton clavier, tu vas avoir plus de contrôle. Tu vas pouvoir faire 1.2x, 1.8x ou peu importe la vitesse que vous voulez. C'est super simple comme conseil, mais pour regarder une vidéo plus rapidement. C'est parfait. C'est vraiment une super bonne idée. J'adore ça. Ensuite, on nous dit d'enlever les applications qui sont des trous sans fond de votre écran d'accueil pour éviter de perdre votre temps sur votre téléphone. C'est quelque chose qui me gosse dans la vie, c'est bien les gens qui, et là ça c'est juste tranche de vie, mais qui montent les escaliers en regardant leur téléphone à l'université, qui regardent pas où ils vont, les gens qui marchent jusqu'à l'arrêt d'autobus à 3 pas de chez eux, puis qui sont tout le temps sur leur téléphone tout le long, puis qui foncent dans du monde quand ils s'en viennent, ça m'énerve. Ben une des raisons, c'est peut-être parce que vous avez des applications qui vous font perdre du temps sur votre écran d'accueil. Par exemple, votre fil Twitter, peut-être, Instagram, peut-être les courriels. Donc, vous pouvez enlever ces applications-là qui vous prennent trop de temps et les mettre sur un écran secondaire et sur l'écran d'accueil, avoir les applications qui sont peut-être plus importantes dans votre vie. Donc, ça vient de Tristan Harris, un ancien philosophe des produits chez Google, qui explique que la plupart des générations tombent dans une de 3 catégories. Donc, tu as les outils qui sont spécifiques à des tâches, par exemple caméra, calendrier, map, etc., qui sont très importants. Tu as les trous sans fond, qui sont les applications qui deviennent des pertes de temps énormes comme Twitter, Instagram, les courriels et d'autres applications qu'on regarde beaucoup trop longtemps et qui t'apprennent absolument rien. Et t'as les aspirations qui sont les choses sur lesquelles tu devrais peut-être passer plus de temps, par exemple, livre audio, balado diffusion, méditation, etc. Donc, Harris suggère de descendre à 2 catégories. La catégorie des indispensables et des aspirations réalistes. Donc, quand même, les outils sont assez faciles à choisir. Lesquels est-ce que tu utilises le plus souvent pour ta vie, qui sont plus importantes, les mettre dans la catégorie indispensable, et le reste, les mettre ailleurs, sur une autre page. Tasser ça pour que ce soit à la page d'accueil. Évidemment, est-ce que c'est quelque chose qu'on va faire? Probablement pas, mais c'est un conseil. Donc, vous faites ce que vous voulez avec ça. Tu peux-tu juste les mettre dans une petite bulle ou... Oui, dans un sous-dossier, mais peut-être le sous-dossier dans la deuxième page, sinon tu vas avoir envie d'ouvrir ta... Tu sais, c'est un peu comme, mettons... Puis là, encore une fois, tu sais, j'ai l'air de vous dire quoi faire, puis je suis pas bien mieux, là. Tu sais, c'est l'idée, c'est pas de vous faire la morale, là, mais sur ma page d'accueil, moi, mettons, j'ai justement mon Facebook, Twitter. Depuis une semaine, j'ai mis Messenger en bas dans le menu qui reste sur chaque page, parce que je me sers plus de Messenger que de Gmail. J'ai envie de Gmail de ma page, de mon doc en bas, pour pas que ce soit à chaque page. Puis sur la deuxième page, j'ai mes trucs financiers, livraison de colis, pour pas que je sois tout le temps en train d'ouvrir la livraison de colis. S'il était sa première page, je serais en train de l'ouvrir puis l'actualiser. C'est vrai. Alors que s'il est pas dans ma page, je le regarde moins. Fait que, ça reste que c'est un conseil qui est bon pareil. Puis je mets mes trucs de réseaux sociaux sur la deuxième page aussi pour pas être tout le temps dessus. Tu vois? Ben c'est ça. Tu fais ça. J'essaye. Mais encore une fois, ça veut pas dire que c'est la seule solution. Je me fais tout le temps dire que mes conseils sont comme un petit peu moralisateurs, fait que j'essaie de minimiser ça un petit peu. Maintenant, assurez-vous que, parlant de conseils qui va peut-être en faire chialer quelques-uns, assurez-vous que vous et votre partenaire soyez d'accord sur un gros achat avant de combiner vos finances. Tout le monde a des idées différentes par rapport à qu'est-ce qui vaut la peine d'être dépensé, des gros achats. Donc avant de... Si tu pouvais ne pas saper ton eau dans le micro, ce serait cool. Tu vois, une chance qu'on n'est pas encore. Je suis désolée. Ma lèvre a resté pris dans le chic à mort. Bon. Dans la bouteille. Donc, avant de combiner vos finances entre partenaires ou copains, copines ou mari-femme, ou même avant de séparer vos dépenses, assurez-vous d'être sur un bon terrain d'entente. Parler d'argent, on sait, c'est pas facile. C'est sûrement un des plus grands stress que j'avais dans ma précédente relation. Donc, meubles et décors, par exemple. Quel article dans la maison devriez-vous investir votre argent? Dans lequel? Donc, selon Mathieu, une télévision. Ben, ce serait ça. Peut-être que selon ma copine, ça pourrait être un divan. Peut-être. Ben, c'est sûr que si t'as une télé, t'as pas de divan. Bon, ben, tu sais, peut-être que tu peux avoir un divan moins cher ou usagé et une télé neuve. Il y en a qui pourraient préférer avoir une télé usagée et un divan neuf. Ça dépend. Ouais. Ensuite, bon, les trucs de la cuisine. Qu'est-ce qui vaut la peine d'être dépensé? Qu'est-ce qui vaut pas la peine? Pour l'épicerie, même chose. Les restaurants, les utilités. Donc, peut-être le téléphone cellulaire. Oui, le câble, etc. Donc, assurez-vous de vous entendre avant de séparer vos finances. Et si vous voulez pas séparer vos finances, ben, trouvez-vous une autre façon. Il y en a qui vont diviser en termes de... un autre compagnon! Ben non, mais il y en a qui vont peut-être y aller en système de pourcentage par rapport à leur salaire. Il y a plein de façons de faire. Sûr. Je pense pas qu'il y ait de gagnants là-dedans, même s'il y en a pour lesquels je suis un petit peu moins d'accord. Ensuite, utilisez la règle du 50-20-30 pour faire votre budget pour chaque besoin, nous dit-on. Donc, la meilleure façon d'avoir un budget équilibré, c'est de décider vos frontières, vos bordures. Moi, je dirais plus frontières financières avant de commencer à dépenser. Et c'est la règle du 50-20-30, expliquée par le site de finance MoneyKnig, qui est assez facile à comprendre. Donc, je vais essayer de l'expliquer comme il faut. Tu as 50% pour les coûts fixes. Okay. Donc, tout ce que tu dois payer par mois, qui devrait absolument entrer dans ton chèque de paye lorsque possible. Donc, si tu fais, disons, les autres, ils vont avec un exemple de 3 000 $ par mois. Félicitations à vous. Bon job. Donc, ne vivez pas dans un appartement qui va coûter 2 000 $. Okay. On nous dit de devoir prendre 50% pour les choses, oui, qui sont essentielles. Donc, on parle de l'appartement, on parle d'hypothèque, sinon. Les utilitaires, donc par exemple le chauffage, chauffer, éclairer, etc. Et les factures récurrentes, bon. Le câble, l'Internet, bon. Ouais. Tout ça, ça devrait être dans 50%. Donc, mettons que tu fais 3000, tu devrais payer 1500$. Mettons. Ensuite, les buffets. Même pas. Ouais. 1500$ plus tout ce que tu as à payer. Oui, c'est ça. Ben, plus tout ce qui est récurrent et essentiel. Ça. Dans 50%, donc pour 1500 sur 3000, tu aurais appartement, câble, télé, etc. Mais tu sais, les choses essentielles. Yeah, right. I know. c'est ça. Ça veut pas dire que c'est faisable, c'est pour ça, tout le monde. 20% pour les buts financiers. Donc, cette catégorie-là devrait, en théorie, être dévouée à une certaine forme de but. Donc, ça pourrait être des économies, ça pourrait être payer tes dettes, ça pourrait être te faire un fonds d'urgence. Donc, 20%. Okay. Ils l'ont mis sur 3000, ce qui est bien trop difficile à calculer pour faire 20%. Ils auraient dû le mettre sur 1000, tu sais, même si c'est un salaire de crève. Et 30% sur l'argent flexible. Donc, la catégorie au 30%, ça devrait être tout ce qui change de mois en mois. Ça veut dire l'épicerie. Ils considèrent pas ça comme un essentiel. Okay. Le divertissement, passe-temps, hobby. Donc, avec le 50-20-30, ça devrait être facile de gérer vos finances. Encore une fois, je vous dis pas quoi faire, j'expose la théorie. Mais c'est pas un mauvais... Ça a l'air logique à mon sens, je trouve. 50, 20, 30. Mais sinon, là, si l'épicerie est dans ce qui est flexible, je comprends pas. Ben, ça veut dire est-ce que ton câble de télévision rentre dans flexible aussi? Non, parce que ça va dépendre de ce que tu regardes. Dans le fond, moi, la façon que je le comprends, puis encore une fois, c'est seulement mon analyse, mais dans le 50%, ce serait ce qui est stable de mois en mois. Par exemple, ton câble, tu sais que c'est 65. Okay, ton internet, mettons, c'est 65$. Téléphone, 35$, peu importe. Alors que ton épicerie, moi, je sais que ça avait l'air pas cher. Il y en a qui ont pas de forfait de données, tu sais. Ah, regarde. T'as remarqué, maman. Ouais. Ben, moi, ça me coûte 70, fait que je peux pas vraiment parler. Mais bref. Ça pour dire que ça, c'est ce qui est stable et qui ne change jamais. C'est rare que ton compte de téléphone cellulaire, à moins que tu dépasses tes données, dépasse. T'sais. Alors que ce qui est flexible, comme ton épicerie, c'est parce que des fois, il y a des épiceries qui peuvent être... Bon, ben, en tout cas, dans mon expérience, c'est je vais faire une grosse épicerie à un moment donné. Ouais. Je vais arrêter de la faire pendant 3 semaines. Je vais en faire une autre grosse. Et il y a d'autres fois où je vais être... Bon, là, cette fois-ci, je veux m'acheter beaucoup de bouffe pour la fin de semaine pour pas acheter de fast-food. Alors que d'autres semaines, je vais pas m'acheter de bouffe de fast-food, je vais m'acheter du fast-food à la place de prendre de la bouffe. Donc, ouais, ton épicerie varie beaucoup. C'est pour vrai ça qu'on le met dans flexible. T'as raison. Moi, je trouve que c'est logique. Ouais, c'est bien logique. Ensuite, on est toujours en passant dans les instructions d'assemblage, un petit segment que je trouve quand même le fun, là, une fois de temps en temps, de le faire pour s'apprendre des petits conseils de vie, tout en restant le plus flexible possible dans la compréhension de ces articles-là. Vous avez peut-être oublié que votre iPhone ou autre téléphone intelligent a des fonctions cachées quand tu mets le téléphone à l'horizontale. Ooh. Et là, on va parler principalement du iPhone, mais il y en a des similaires sur Android. Lorsque ça a été lancé, Apple parlait beaucoup du fait qu'on pouvait tourner le téléphone de côté pour avoir une vue différente d'un appareil. Par exemple, l'iPhone 6, surtout, depuis qu'ils ont rajouté plein de fonctions à l'horizontale, depuis que les écrans sont plus gros. Mais de nos jours, moi, en tout cas, ce que je fais tout le temps, c'est que je mets mon téléphone en fonction bloquer la rotation. Okay. Tout le temps en verticale et je laisse tout le temps à la verticale. Mais quand tu débloques cette fonctionnalité-là, tu peux faire plein d'affaires. Par exemple, quand tu vires ta calculatrice de bord à l'horizontale, ça te ramasse une grosse calculatrice scientifique. Donc, tu as les cosinus, le tangente, x à la 3. Ben, Moses! La plupart des gens savent pas ça. Safari va vous donner une vue de tous vos onglets de façon carousélienne. Ah ouais. Donc, quand tu ouvres Safari avec plusieurs onglets, à la place de les cacher comme en mode vertical, tu vas les voir en petite grille de thumbnail, de miniature. C'est super le fun. Tu vas pouvoir trouver ton site préféré facilement. C'est déjà ouvert. Ah, non, tu vois, moi, ça fonctionne pas. Parce que t'as juste un onglet d'ouvert. Non, pourtant. Ah, tu les vois, parce que t'as un petit écran, t'as un iPhone, 5S, c'est ça. S. Sur les iPhones plus récents, tu les vois en grille multiple. Ne juge donc pas! J'ai juste exposé un fait. Hey, ce problème. Le calendrier et Fantastical, pour ceux qui utilisent ça, vont avoir une vue détaillée de la semaine au complet, oui, sur ça, l'iPhone 6. Ensuite, le clavier en tant que tel va ajouter quelques touches utiles. Par exemple, tasse à gauche, tasse à droite, ce qui est vraiment, vraiment utile et qui devrait être en mode vertical aussi, mais bon. T'as la touche retour en arrière, annulée, qui apparaît quand tu te mets à l'horizontale. Évidemment, là, t'as sur l'iPhone 5S, tu verras peut-être pas ces options-là. Dans l'option de bourse, dans l'application de bourse, ouais, que personne que je connais utilise, mais ceux qui sont dans les marchés boursiers pourraient être intéressés, tu vas voir une vue quotidienne, hebdomadaire, mensuelle, des prix, donc d'un indice boursier sur un petit graphique, c'est super cute. Ah, ben oui. Ah, c'est bon. Dans l'application santé, Tu vas zoomer sur des données basées sur la journée, la semaine, le mois ou l'année aussi. Donc, tu vas voir encore une fois une grille de tes battements de cœur, les étages montés, etc., etc., etc. Dans Mail, évidemment, on le sait tous, là, parce que Apple a vraiment parlé de ça beaucoup, mais tu vas voir deux panneaux. Donc, tu vas voir sur l'iPhone 6, c'est plus récent, tu vas voir d'un côté tes messages et de l'autre côté ton message, l'intérieur du message. Donc, tu vas voir un petit peu une vue à la Outlook. Dans tes logiciels comme Tweetbot, pour les tweets, tu vas avoir des colonnes personnalisables avec les infos que tu veux d'un côté et de l'autre côté tes tweets en tant que tel. La météo va vous montrer les données sur un seul écran. À la place d'avoir deux écrans de météo sur les grands écrans, tu vas avoir toute l'information à une seule vue. Grand écran. Est-ce que tu savais ça, toi? Maintenant, l'application Santé calcule le nombre de pas que tu fais par jour. Et t'as rien à faire de plus que juste avoir le téléphone dans ta poche. C'est fun. C'est ça, par contre. Si t'as pas le téléphone dans ta poche, ça fonctionne pas. Si tu mets dans ta sacoche, je me le demande si ça fonctionne. Peut-être un petit peu moins, mais d'après moi, ça doit fonctionner quand même un peu. Il y a un mouvement dans ta sacoche, mais je sais pas. Sûrement. Dans l'application Horloge, vous allez voir une belle map du monde et vous allez pouvoir voir quelle heure il est dans différentes parties du monde en achetant des horloges vous-même. Mmh. C'est vraiment super bien fait. Donc, essayez de mettre votre téléphone à l'horizontale. Ça pourrait vous aider dans plusieurs tâches. Ensuite, créez une raison de garder votre maison plus propre en invitant les gens plus souvent chez vous. Ah! Ça a du sens. Moi, les seules fois, comme c'est arrivé juste une fois, mais les seules fois où je fais vraiment le ménage de fond en comble, c'est-à-dire laver l'évier, la toilette, etc., la douche, t'sais. C'est quand j'invite quelqu'un chez nous pour quelque chose, peu importe, que ce soit une date ou non. Hein. C'est normal. Netflix and chill. Donc, c'est Stephanie Georgopoulos chez Mail Magazine qui nous suggère de commencer à inviter des gens plus souvent dans votre humble foyer. Donc, organiser des soirées cinéma, des soupers, peu importe. Vous allez commencer à faire un ménage plus souvent de la salle de bain à la cuisine. Une très bonne idée. Une nouvelle habitude qui va créer de la répétition et que même quand vous n'allez pas inviter quelqu'un, vous allez comme être déjà dans l'habitude de le faire. Ensuite, on va sur le Mac maintenant pour ajuster le son de démarrage, le volume de votre démarrage, même quand les haut-parleurs sont branchés. Donc, le son de démarrage d'un Mac a rapport avec les colonnes de son internes de votre appareil. Donc, des fois, ça va vous prendre par surprise, ça va faire un genre de gros boing super fort quand tu ouvres ton Mac. Même si tu as des haut-parleurs branchés, ce son-là a l'air de tout le temps être au max. Finalement, c'est que vous pouvez ajuster le volume des haut-parleurs internes de votre Mac, même lorsque les haut-parleurs externes sont branchés. Donc, peu importe à quel volume vos haut-parleurs sont, les haut-parleurs internes de l'ordinateur, eux, ils vont faire n'importe quoi. Donc, qu'est-ce qu'on fait? On débranche les haut-parleurs, on va dans Préférences système, dans Son, dans Sortie de son. On va voir haut-parleurs internes comme appareil de sortie de son. On n'a qu'à descendre le volume là-dedans et à votre prochain redémarrage, ça va être super silencieux dans les haut-parleurs internes parce qu'encore une fois, le son de votre Mac sort pas de vos colonnes de son externes, mais de votre haut-parleur interne à votre ordinateur. Est-ce que c'est clair? Très clair. Ensuite, on nous dit de nettoyer et lubrifier votre ouvre-canne avec du papier ciré. Ah ouais. C'est un peu impressionnant, un peu surprenant en fait pour moi. Je trouve le papier ciré, c'est vraiment quelque chose de très utile. J'ai appris très récemment que c'était ultra cher, du papier ciré par contre. Parce que j'aimais faire cuire mes frites là-dessus, tout ce qui est cuisson dans le fourneau, c'est beaucoup mieux avec du papier ciré parce que ça colle jamais. C'est super le fun, mais comme ça coûte comme 6 fois le prix, je préfère prendre du papier d'aluminium. Mais tout ça pour dire que votre papier ciré peut servir à autre chose. Si vous lavez pas votre ouvre-canne régulièrement, il y a des morceaux de nourriture et des morceaux de métal qui peuvent être difficiles à enlever. Le blog One Good Thing by Jilly nous dit qu'on peut plier un papier ciré quelques fois, le faire agripper par l'ouvre-canne et lui donner quelques petites twists. Le papier va non seulement aider à déloger quelque chose de pris entre les lames, mais la cire sur le papier ciré va lubrifier le mécanisme en même temps. Oh, ouais. Tu parles d'une chose, pour vrai, j'aurais jamais pensé. Moi non plus. Félicitations. Ensuite, celui-là a l'air bizarre par la photo. Ah! Mais c'est d'empêcher vos essuie-glaces de geler avec une vieille paire de bas. Ben oui. Ben oui, donc évidemment, l'auto le matin, tu l'as dit tantôt, c'est pas le fun. Non. Mais t'as besoin d'une paire de bas, c'est tout. Donc, on va l'avoir. Ce que vous avez à faire, c'est de glisser votre paire de bas, donc un bas à la fois, sur chaque essuie-glace le soir d'avant, quand on sait qu'il va y avoir une température frigorifique. C'est pas mal tout, finalement. Mais c'est drôle, quand même. Ben oui, mais avoue que ça a l'air quand même le fun. Mais même si tu fais juste lever tes wipers en temps normal, devrait être correct. C'est déjà mieux. Mais j'imagine que s'il mouille, quelque chose comme ça, plus verglaçante. Ouais. J'imagine que les bas vont la aider glace, ouais. À ce que la glace ne pogne pas après tes essuie-glaces. Moi, je trouve que ça a l'air de bonne idée. Je ne sais pas si c'est parfait pour les températures qu'on a ici au Québec, mais quand même. Je sais pas. Il y a aussi d'autres trucs dans le même article pour empêcher vos portes de geler avec un petit peu d'huile à cuisson et aussi d'empêcher votre pare-brise de glacer avec de la solution au vinaigre. Les articles sont sur assemblagerequis.com dans le même que ce que j'ai mentionné sur la paire de bas. Ça, là, je t'avais de le faire. Ouais? Le vinaigre. Est-ce que tu veux qu'on en parle? Parce que je me demande s'il y a plus de détails que ça. Peut-être que je pourrais ouvrir les deux liens pour en parler à la place. Ben, je sais que c'est deux tiers de vinaigre pour un tiers d'eau. OK. Tu mets ça dans un psh-psh. Mm-hmm. Puis là, tu plouches ça, puis là, ça devrait fondre de façon presque automatique. C'est des termes scientifiques, ça. Plouche, oui. Puis splish-splash. Exactement. Ah, est-ce que tu as vu à LCN, tu sais, la chaîne de bas étage d'information pour le petit public de moutons, ça dit comme grand titre, là, les gens sortaient de la route, faisaient des accidents, sûrement des morts, et leur grand titre à l'écran, c'était splish-splash tout en prenant le champ, genre. Non. Quelque chose comme ça. Non, je pense pas. Quelque chose du genre sur Facebook. C'était ridicule. Mais c'est tellement LCN. Bonjour. Bref, il n'y a pas la recette sur l'article pour le spray de solution au vinaigre, mais tu disais quoi, deux tiers, un tiers? Oui, deux tiers, un tiers. Deux tiers de vinaigre, un tiers d'eau. Génial. Selon le blog Coffee Break with Liz and Kate, par rapport aux portes qui gèlent, ça dit que les portes gèlent parce que la neige fond dans le seau. Donc le seau, comme ce qui scelle. Oui. La porte, le seau, hein? Et c'est ça qui gèle pendant la nuit. Donc, de l'huile à cuisson va l'aider, ça va protéger contre l'eau qui fond. Donc, c'est ce qu'on suggère de faire. C'était pas mal simple, finalement, comme recette. Ensuite, on dit comment changer un parapluie brisé en sac. Le fun pour transporter des trucs. Donc, on va faire ça soi-même. Si vous avez un parapluie brisé par la pluie, peut-être, un petit peu de travail va le changer, ou au moins va changer le tissu en un sac qui va aller, évidemment, qui va à l'eau, qui est à l'épreuve de l'eau, là, c'est quand même un parapluie. Vous n'avez pas besoin de beaucoup d'habileté, mais ça dit une machine à coudre va rendre ça un petit peu plus facile. À part le tissu du parapluie, vous allez avoir besoin de fil, d'un fer à repasser, d'une paire de ciseaux et d'une surface douce sur laquelle couper. C'est à peu près tout, donc on va enlever le tissu de son frame métallique, là, et on va garder les bandes de velcro pour fermer le parapluie. Et à partir de là, on va suivre les instructions sont sur l'article sur assemblagerequis.com. Vous allez avoir besoin d'un sac d'un sac réutilisable pour servir de template pour faire la forme de votre sac. Donc, vous allez un petit peu copier le template d'un sac d'épicerie réutilisable pour faire votre parapluie en sac. On retourne sur le Mac. On va utiliser Spotlight pour laisser faire iTunes quand on va juste jouer une chanson. Tu sais, des fois, t'as envie sur le Mac de jouer une chanson, de l'écouter, mais t'as pas envie d'ouvrir iTunes. Parce qu'iTunes, on va se le dire depuis quelques années, avec tout ce qu'ils ont rajouté dedans, de location de films, de peu importe, là, c'est rendu lourd, hein? Donc, si vous voulez juste jouer la chanson, c'est super simple selon le site OS X Daily. On utilise Spotlight. Donc, l'option barre-espace. Ah, OK. Donc, on peut depuis longtemps utiliser le Finder ou encore Quick Look, c'est la petite loupe dans le coin de l'écran, pour jouer quelque chose qui va jouer en arrière-plan. Donc, vous ouvrez Spotlight en faisant commande espace ou encore en appuyant sur la petite loupe. Vous allez taper le nom de la pièce que vous voulez faire jouer. Vous allez appuyer sur le bouton Play en plein milieu de la pochette de l'album et la chanson va continuer à jouer. Jusqu'à ce que vous fassiez pause manuellement, c'est assez simple quand même. Ben Moses. Ensuite, on a fait tantôt, il y a quelques instants, en fait, un sac avec un parapluie. Pourquoi ne pas changer un t-shirt en chambre, en tente pour votre chat? Ah ben oui. Hein? Si vous aviez un vieux t-shirt avec quelques vieux cintres de métal, ça fait longtemps que j'ai pas vu les supports de métal dans mon garde-robe, ils sont toujours en plastique, mais bon. Si vous en avez encore, c'est facile de faire une tente pour votre minet en 10 minutes. Vous allez avoir besoin d'un t-shirt médium. Ou plus, hein? Deux cintres de métal, un morceau de carton de 15 par 15 pouces ou plus, un coupe-fil, donc des petites pinces pour couper les fils, pour les couches, des épingles à couches, hein, et du masking tape ou encore du truc pour les peintres, donc du truc pour la peinture, du ruban adhésif à peinture. Une fois que vous avez tout ça, vous allez couper le cintre là où il se rencontre pour former un crochet. Ensuite, vous allez plier ça en U pour faire une diagonale. Puis là, évidemment, à la radio, c'est difficile à expliquer, mais les instructions sont quand même simples avec des photos sur assemblagerequis.com. Ça s'appelle une do-it-yourself cat tent avec cintre et t-shirt. Ensuite, faites-vous un petit rituel de fin de soirée pour vraiment relaxer le soir. Ah ben oui, c'est ce qu'ils disent depuis des années. Ah oui, très bonne idée. Donc, on est assez mauvais pour bien dormir, en tout cas, la plupart des gens. Le site de conseils Barking Up the Wrong Tree nous explique que votre cerveau a besoin d'une période d'ajustement pour arrêter d'être en mode pensée et travail. Sinon, vous allez continuer de penser jusqu'à temps que vous tombiez mort dans votre lit. En établissant un rituel de fin de journée, vous allez pouvoir calmer vos activités de la journée et laisser votre cerveau savoir que c'est le moment d'entrer dans un mode différent. Bref, faut enlever votre mode travail en faisant une routine. Par exemple, à la place de planifier la journée du lendemain, à la place de penser à la journée du lendemain, vous allez écrire vos tâches du lendemain. Okay. Une fois que tout ça est fait, vous allez pouvoir relaxer sans stress, nous dit-on. Bref, faites-vous une petite routine de fin de soirée qui est plus calme et mettez tout de côté du travail, prenez des notes, puis après ça, mettez ça dans le tiroir en arrière. Bonne idée. Simple. Tiens, pour ceux qui s'achètent des souliers fréquemment ou qui ont besoin d'un conseil pour peut-être briser... Tu sais, comment est-ce qu'on dit casser? Casser les souliers, je pense qu'on dit. De commencer à les porter. Casser les souliers. En quelques minutes avec un séchoir à cheveux. Hein? Ouais. Donc, c'est une variation de très, très vieux truc là, de grands-parents, mais qui fonctionne apparemment toujours. De mettre une paire de bas épais par-dessus vos bas que vous allez porter dans vos souliers. Donc, par exemple, des bas d'hiver, là, des bas de laine, mettons. Vous allez mettre vos pieds dans vos souliers qui devraient être très, très serrés. Ensuite, vous prenez votre séchoir à cheveux. Si les souliers sont faits d'un matériau naturel et non pas du plastique ou quelque chose qui va fondre, vous passez le séchoir par-dessus les parties serrées de votre soulier jusqu'à ce que vous vous sentez mieux. Peut-être sur l'arche de votre pied, peut-être que la place où les orteils vont être un petit peu serrée. Moi, c'est souvent mon cas. Donc, peu importe comment vous faites ça, vous allez passer votre séchoir à la place où vous avez mal. Ça va vous donner un petit peu plus de flexibilité dans votre cuir, par exemple. Vous éteignez votre séchoir, vous marchez un peu dans vos souliers jusqu'à ce qu'il soit complètement froid. Et ensuite, vous allez pouvoir partir et vos souliers vont être déjà cassés. Hein? Ensuite, vous enlevez vos bas épais, évidemment, et vous portez juste vos bas normaux. Et vous répétez le processus si nécessaire. C'est Aaron Marino de chez I Am Alpha M qui nous fait le processus au complet dans une vidéo dans l'article sur assemblagerequis.com pour ceux qui n'ont pas suivi mes instructions. Intéressant. Merci. Voilà, je pense qu'on va arrêter là pour les instructions d'assemblage. On a fait un bon gros bloc d'une demi-heure. Ça valait la peine. J'espère que c'était pas trop plate pour vous. L'émission sur assemblagerequis.com. Et nous, on va devoir terminer l'émission là parce que Colin, éventuellement, l'émission de 2 heures avec juste toi et moi, faut bien que ça arrête à un moment donné. À un moment donné. Voilà, c'est tout. Merci à personne encore une fois aujourd'hui. C'est la semaine de relâche, c'est normal. C'est vrai, merci à nous. Merci à toi, Tania. Ça fait plaisir. On va être de retour demain avec une nouvelle émission et de nouveaux chroniqueurs. En fait, pas de nouveaux chroniqueurs, non, on va avoir des nouveaux chroniqueurs d'ici la fin de la semaine. Demain, on va avoir Sébastien F. Gertin à 8h avec son bulletin Gertin sur l'actualité canadienne et internationale québécoise. À 8h30, on a Frédéric Bernard qui a confirmé sa présence pour sa chronique Google Globe. Ensuite, jeudi, Véronique Mire va être de retour avec sa chronique Le Véronictionnaire à partir de 7h30. Et donc, on parlera de jeudi demain, mais je voulais juste vous le mentionner à l'avance pour que vous soyez à l'écoute jeudi pour Véronique Mire. Voilà. Sur nos ondes, plus tard aujourd'hui, le Dîner de con avec Danny Janvier à partir de 11h, suivi à 13h de Rock de Neuron avec Jimmy Farley, un petit peu de rock progressif. Nous serons de retour, Tania et moi, pour les Pommes assez fous à 15h avec un décompte de la semaine. Ensuite, à 19h, réanimation avec du métal et de l'horreur. La journée du mardi, pas mal remplie comparée aux autres journées où sont... en fait, il n'y a pas d'émission d'étudiants aujourd'hui, donc... C'est vrai. C'est comme ça. Hein? C'est la vie. C'est fou.ca pour la programmation complète. Assemblagerequis.com pour les notes de l'émission et les balado-diffusions. Encore une fois, merci Tania. Merci à toi, Mathieu. On se quitte avec la formation Aaron et leur pièce Blouson Noir. À demain, 6h30. Bye, bon café. Blackness calls me back. I sought the sorrow. some of the